Bonsoir, qui est là? Allô. Salut, c'est Ludo. Salut, Ludo, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, Ludo, tu voulais dire quoi, toi? Ouais, je voulais passer une dédicace à tous les gens de Villefranche et puis à tous les routiers de France. Eh ben, le message est passé, on les embrasse, ils sont dans la cabine, en train de nous écouter là ce soir. Bisous à tous. Ouais, ciao. Avant de partir, le klaxon du camion. Coup de klaxon, s'il te plaît. Oui. Klaxon, klaxon. Voilà. Ça sent la bonne grosse camionnette là. Hein. Ah non, là, c'est à 35 tonnes. Ouais. C'est à combien de tonnes? C'est à combien de tonnes? Combien de tonnes? Oui. C'est 44 tonnes. On se fait pirater l'émission par Mickaël. Je crois. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va se retrouver dès demain. Beaucoup. On sera là, bien sûr, merci comme tous les soirs. Merci à tout le monde de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission tous les soirs sur Fun Radio. Entre 20h et 23h, encore une belle émission. Et il est là, c'est Mickaël de retour du Paris Games Week. Qui me parle? Bah, c'est Karel. Ah, il paraît qu'il a pris plein de pâtés. Hein. Il a tout perdu. Tout ce qu'il a fait, il a tout perdu. Alors, ce défi avec Bruce Granek. Mais des gamelles, pas possible. Non. Je peux pas décider ça. Je tiens à rappeler que j'ai joué face aux champions du monde de FIFA et que je n'ai perdu que 4-0. Bravo. Ouais. Je prends ça pour une victoire. Bravo, Mickaël. Hey, sur un match de 3 minutes. T'as pas marqué un but. Hein. Non, j'ai pas marqué de but. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent un minimum, il ne m'a pas laissé de temps de gérer mon équipe. Ah oui, voilà. Bien sûr, Mickaël. Non, mais t'as juste été mauvais, quoi. Non, c'est faux, Doc. Doc, quand tu veux, je te mets un FIFA. J'en étais sûr qu'il allait les énerver. Quand tu veux. Non, je m'énerve pas. Quand tu veux, je. Bon, alors, si je joue. Moi, je peux jouer à Just Dance avec Toff. Bah, avec plaisir. Non, bah, quand tu veux. En plus, il est tellement bon. Mais attends, je suis champion du monde de ce jeu. Champion du monde des mauvais. Enfin, bon, bah, très bien. Bah, Lovin Fun de retour demain. Oh, ouais. Déjà la dernière. J'ai même pas vu cette semaine passer. Non plus. Mais hier, l'émission était trop longue, c'est pour ça. Ah, bah oui, c'est ça. Bah oui, une heure, j'imagine. Bien long, effectivement. On était bien fatigué, en tout cas. Tu m'étonnes. Bah oui, ça. Bon, on est de retour dès demain. Bonne émission à vous. Salut à vous. Et puis, nous, on est parti jusqu'à 2h du mat. Ciao tout le monde. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On reprend nos marques, évidemment, dans notre studio. Soyez les bienvenus dans Mickaël, nos limites. Alors, Mickaël, bah, c'est moi, évidemment, ça n'a pas changé. Hein. On est là du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et le dimanche de 20h à minuit. Pour participer à l'émission, ça ne change pas non plus. Bah, vous faites le 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Il y a le 02 851 4x0 qui fonctionne également pour la Belgique. Et puis vous passerez à l'antenne comme Nelson qui est avec nous. Salut Nelson. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Bah, je fais un petit coucou à toute l'équipe aussi. Salut, Et bah, l'équipe te salue, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Nelson? Là, t'as passé une bonne journée? Moi, j'ai passé une très bonne journée, mais je dirais pas autant là des clients de l'hôtel que j'ai fait évacuer. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? J'ai appelé un hôtel, je me suis fait passer pour le directeur des sapeurs-pompiers. Mais toi, j'ai fait croire qu'on faisait un exercice et puis 23h sous la pluie, mes clients étaient dehors. Non mais t'es sérieux c'est avec bon, ça. Mais il faut laisser faire les professionnels, les canulars par des professionnels nous. Tu vois, animateur de web radio moi. Justement. Tu l'as tout dit, hein. Bravo Nelson. Merci. On va en parler dans quelques minutes. D'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà fait des conneries, si vous avez fait des canulars qui ont mal tourné. Hein. N'hésitez pas, on a failli faire un drame nous lundi. On vous fera réécouter le moment. Où on a failli faire un drame, double drame lundi d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais. Alors on vous le fera écouter, mais en deux mots, c'était un auditeur qui nous avait demandé d'appeler son meilleur pote pour lui dire qu'il s'était tapé sa meuf. Ouais. Et comme le mec était prêt de le tuer, j'ai feinté en disant oh, mais c'était une vanne! C'était pour rire! C'était pour rire! Et finalement, il l'a bien prise. Je sais pas combien de temps ça lui a laissé de sursis, mais bon, le principal, c'est que ça a fonctionné. Bon, Sandro qui va bien, t'en es où dans Call of alors? Je suis au niveau 3. Oh, pas mal! Voilà, je viens d'acheter une épée. Une épée? Je crois pas, non. C'est bizarre parce que c'est Zelda. Il me semble pas qu'il y ait des épées dans Call of. Non, mais Zelda, je l'ai déjà fini. Ah, d'accord. Ah, oui, bah oui. Bah, encore heureux, hein. C'est sorti en 83. Ouais, mais... ça met la finie sur la Game Boy. Hein. Ah, oui, c'est ça, sur la Game Boy, évidemment. Bon, Toff qui n'a pas réussi à conclure avec les hôtesses. Dieu sait pourtant qu'on avait un embarras du choix. Oh là là. Si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, allez-y au moins pour les hôtesses au Paris Games Week. Oh là là là. Ah, franchement, ça vaut la peine. Ça vaut le détour. Les hôtesses Xbox dans leur petit truc moulant, là. Ah, bah ouais, bah Xbox, Orange, tout, hein. Oh là là. Ouais, mais Xbox. l'autre, ils avaient, c'était vraiment juste hyper moulant, hyper serré là. Oh là là. Ouais, enfin bon, malheureusement, il s'est fait, il s'est pas fait serrer, toi. Fait, ça, non, c'est bien dommage. Et alors les meufs qui faisaient Gran Turismo. Oh ouais, là ouais, là. Mais malheureusement, tu n'as rien eu non plus. Et non, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais heureusement, tous tes amis sont là ce soir. Bah, frère enculé. Ah bah voilà. Ah bah, il m'avait manqué. Tu m'entends ou pas? Eh bah voilà, mais si si, t'entends. Hein. Que je te le baise. Eh bah, et tiens. T'as déjà touché la chatte à ta mère, quelles oreilles? Voilà, bah c'est une question qu'on posera ce soir peut-être. Hein. On fera encore d'autres appels évidemment tout à l'heure. Et puis bah, comme tous les soirs, on accueille également Polo qui est avec nous. Hein. Avec son célèbre Pipo, bien entendu. Grand Pipo, grand talent, oui, grand talent. Énorme talent, oui, énorme. Magnifique, beau, tout ce que tu veux, je voilà, normal. Et puis bah, comme tous les soirs, on suivra également le top tweetos, hein, si vous voulez participer, et bien peut-être rejoindre aussi d'ailleurs le top 5. Il vous suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 des plus actifs. Donc soyez au taquet pour commenter l'émission. Hashtag M-I-K-L, tout simplement, vous mettez un maximum de messages. Et puis bah, on donnera les résultats tout à l'heure. On espérera de faire un petit point vers minuit 30. Et puis on donnera les résultats, le résultat final tout à l'heure à 2h du mat. On écoutera aussi du son ce soir avec Calvin Harris, ce sera Thinking About You. Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier, Nelson, actuellement là? Ouais, Tsunami, ouais. Ah, Tsunami de Dubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh bah, très bien, bah, on essaiera de se le mettre aussi tout à l'heure si tu veux, le son de Dubs avec Tsunami. Ouais. Très bien, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je sais pas. 50 euros? J'ai autant aller le payer sur iTunes. T'as raison, ouais. Bon, on écoutera aussi Avicii, là, vous l'aimez bien celui-là aussi avec Hey Brother. Ou encore mon ex, hein, Katy Perry, avec Walking on Air. Et on a une auditrice qui est passée, là, c'est qui se retrouve sur le Twitter avec Camille avec un cas qui se fout de ma gueule quand je dis que c'est mon ex. Elle me croit pas, t'as vu la photo quand même? Oui, oui, j'ai vu, mais bon. Bah, quoi? Je sais pas trop ce qui se passe dans les coulisses. Ah bah il vaut mieux pas que tu saches. Il vaut mieux pas que tu saches. Parle dans le micro, voilà, ouais. C'est comme un gros sexe, voilà, c'est phallique. Voilà, tu parles devant. Merci pour la comparaison. Voilà. Non mais écoute, ouvre plus grand la bouche quand non, tu parles. Non mais si t'es avec le sexe de ton mec, tu vas pas le mettre sur le côté. Ah, t'es effectivement, ça marche moins bien. Ah bah voilà, bah c'est ça pareil dépend. Avec le micro, si t'es à côté, ça marche moins bien. Voilà. Ça dépend de la sensibilité du sexe. Oui, c'est vrai aussi, effectivement. Bon, il y a un son que tu kiffes en particulier ou pas, Camille? Ça dépend de quoi? J'ai plein de trucs. Ça aurait été plus facile que tu me dises ah bah ouais, pourquoi pas. Bon, réfléchis. D'accord, je te dis ça plus tard. Bah voilà, tiens, bah réfléchis, ouais, par un bon plan, ça effectivement. Bon, Nelson, qu'on va prendre dans quelques minutes, et puis bah on va également parler cadeaux, puisque dans quelques minutes, je vous offrirai aussi, eh bien, votre Wii Mini. La Wii Mini que je vous offre ce soir sur Fun Radio, ce sera avec la colle, et puis la colle, on a Mathieu avec nous maintenant là. Bonsoir Mathieu. Hello, ça va les gars? Hello, ça va bien et toi? Ça va nickel. Bon, bah tant mieux alors. Alors, Mathieu, t'appelles de la Ciotat, toi, dans les Bouches du Rhône. C'est ça. Exactement. Le 13 en force. Ma foi. Eh ben ma foi. Bon, est-ce qu'il va être tellement en force que tu vas repartir avec? Eh ben la Wii Mini, je te le souhaite. Pour ça, il va falloir poser une colle. Si personne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Si quelqu'un la trouve et passe à l'antenne, tu perds, bien entendu. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus entre les seins qu'une femme de 20 ans? Ah, c'était une longue phrase, hein. Ouais, mais t'as vu, il l'a bien posée, tu vois. Ah oui, elle est bien posée. Bah, tout le monde a bien pu l'entendre. On a bien senti qu'on était dans les Bouches du Rhône. Exactement, on a le temps. Bon, qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? C'est ça? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, évidemment. Vous avez évidemment vos chances de gagner. Et puis vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je poste la question dans moins de 2 minutes. Voilà, vous allez pouvoir répondre comme ça à la question et puis bah surtout la lire, à la voir sous les yeux. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Mathieu, on te récupère tout à l'heure, ok? Ah, il n'y a pas de souci. Eh ben, ne bouge pas de là, Mathieu. Ne bouge Merci. Pas de là. Ne bouge pas de là. Tiens, Mathieu, t'as déjà fait des canulars, toi, comme Nelson, qui ont peut-être mal tourné? Non, du tout. Des canulars, oui, mais qui ont mal tourné, non. D'accord. Bon, bah, c'est déjà ça de prix, alors. Très bien. Bon, bah, les autres, vous me dites, hein. Vous appelez maintenant Sandro au standard. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Faites péter le standard, justement. On est là, c'est les vacances. Profitez-en, c'est à la cool. Et Nelson est de retour avec nous. Nelson de Paris, donc, qui va nous expliquer un peu plus en détail, ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Nelson? Donc, t'avais fait un espèce de canular, c'est ça? Et ça s'est mal passé avec un hôtel. Bon, réexplique peut-être un peu plus dans le détail pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Alors dans le détail, bah ouais, je faisais mon émission sur un web radio, je dirais pas laquelle parce que il y a des gens qui vont reconnaître et genre ils se la ramènent. Non mais c'est pas ça, c'est parce que attends, je t'explique qu'il y a eu des problèmes après, c'est pas resté là quoi. Ah ouais, bah alors vas-y, c'est une web radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah il s'est passé que l'hôtel, voilà, moi j'étais mort de rire, on entendait dire aux clients qu'il fallait sortir et tout, ils leur disaient en anglais. Alors sur le coup, moi j'étais mort de rire et il y a mon co-animateur qui me disait qu'il fallait arrêter le truc et tout, parce que moi je voulais pas. Ouais, t'étais à fond dedans toi, t'étais au taquet. Ouais, voilà, mais moi j'étais parti dedans, je fais attends, vas-y, maintenant on y est, on continue quoi. Et le problème c'est qu'une fois que je me suis aperçu que vraiment tous les clients étaient dehors, bah je lui blague et puis le mec a commencé à gueuler, il a commencé à dire qu'il y avait des clients avec des enfants de 2 et 5 ans, que c'était pas drôle, qu'il y aurait pu avoir des blessés et tout, si les gens avaient vraiment cru que c'était le feu, ils auraient pu tomber dans les escaliers. Oui, non mais bien sûr. Et surtout qu'on sait en plus que les gens sont cons, hein. C'est-à-dire quand tu leur dis à chaque fois si jamais il y a un truc, faut faire tranquille, faut sortir doucement, etc. Ouais, bien c'est sûr, chaque fois ils, le drame. Ils courent, ouais. Bah ouais, mais tu sais qu'ils avaient fait un truc comme ça dans un avion, ils avaient fait un test. C'était dans un avion avec je crois que c'était des japonais ou des chinois, je sais plus. Et tu sais, bon, les mecs sont en général carrés, ils suivent les instructions, etc. Et puis ils avaient fait la même chose avec des Européens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une simulation d'accident d'avion, d'avion qui prend feu, etc. Donc les gens devaient sortir super rapidement de l'avion. Tu peux croire que les Asiatiques, parce que je sais plus si c'était japonais ou chinois, peu importe, que les Asiatiques, il y a eu, je dis, je crois, 85% de personnes sorties sans problème. Les Européens, il n'y a pas eu 50, hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement tous en train de vouloir se marcher les uns sur les autres pour essayer de sortir le premier parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont pas sortir, qu'au final il y en a moins qui sortent. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Le problème c'est qu'ils prennent plus de temps à vouloir empêcher les autres de sortir avant eux qu'à sortir. Quoi. Exactement, t'as mis le doigt dessus. Bon, on en parle dans quelques minutes, Nelson. Est-ce que vous avez déjà fait un canular qui a mal tourné? Ça me donne l'idée justement de rediffuser un extrait de celui qui a failli mal tourner. C'était lundi qu'on l'avait fait en direct sur Fun Radio dans Mickaël No Limit. Restez bien avec nous. Tu restes avec nous également, Nelson, évidemment. Hein. Bah oui, ça reste là. Eh ben très bien, ne bouge pas de là, on va revenir avec toi. On aura également tout à l'heure le jeu du je t'emmerde. Si vous voulez participer au je t'emmerde, eh ben oui, il y a les appareils photo numériques à gagner. Le je t'emmerde, on le fera d'ici un petit quart d'heure. Donc si vous voulez jouer avec nous, eh bien vous appelez Sandro dès maintenant au standard. Là aussi, faites péter tout ça. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. On attend évidemment tous vos appels, bien sûr. Reste avec nous, on aura Samia également dans quelques minutes. Bonsoir Samia. Bonsoir Samia, 30 ans d'Evreux. Tu vas nous appeler parce que tu vas nous parler de la suite de ton rencard avec ton collègue Samia. Ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton collègue en deux mots, hein? On va en parler dans quelques minutes. En deux mots? Bon, alors ne fais pas en deux mots. À moins que tu aies deux mots qui peuvent résumer un peu l'histoire. Non, j'ai un mot. Ah, vas-y. Sexe. Très bien. Alors ne bouge pas de là. Nous allons revenir avec toi dans quelques minutes. Et pour te donner encore plus envie, est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier? J'aime bien le dernier Avicii. Le dernier Avicii avec Hey Brother. Exactement, ouais. Eh bien, on va se le mettre dans quelques minutes, alors ne bouge pas. A tout de suite, Samia. A tout de suite, Samia. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, on est en direct comme d'habitude et comme tous les soirs de 23h à 2h du mat. Vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le Twitter de l'émission. Vous me faites un follow, donc vous me suivez sur Twitter et je vous suivrai également. Vous me faites un follow en tapant M-I-K-L underscore officiel, c'est le petit tiré en bas, M-I-K-L underscore officiel sur le Twitter de l'émission. Donc allez-y, je vous attends évidemment avec impatience. Et puis bah on aura l'occasion évidemment de jouer la semaine prochaine avec Twitter, je vous en dis pas plus. Mais il faudra rester à l'écoute de Fun. On salue également tous ceux qui sont connectés ce soir, notamment Marion M qui a envoyé un message par rapport au canular qui a mal tourné. Canular qui a mal tourné, le chéri, je peux te faire cocu lorsque j'ai piégé. Attends, c'est quoi? Lorsque la piégée a avoué avoir trompé son mec avec son pote plusieurs fois. Ah oui, c'est vrai, putain, ça vaut la peine de le remettre à l'occasion celui-là. Tiens, on en parlera tout à l'heure là. Restez avec nous, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble et en direct tous les soirs de la semaine sur Fun Radio, du lundi au jeudi, 23h, 2h et tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, bonne soirée, tout le monde. Il est 23h14, on est en direct jusqu'à 2h et c'est Calvin Harris qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Calvin Harris avec Thinking About You. C'est Fun Radio et Calvin Harris à l'instant, Thinking About You. Mickaël No Limit. Allez vous faire foutre, je fais des têtes de con. Tous les soirs, 1h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct évidemment comme tous les soirs. Allez-y, vous balancez tous vos messages maintenant. Ça se passe au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 pour la Belgique. N'hésitez pas, il y a Stéphanie qui dit comme tous les mercredis, je suis en retard. J'ai droit à mon coup de pelle pour une fois. Bah, évidemment, plutôt deux fois qu'une. Il y a Charles qui dit le matin, Bruno, on se réveille en rigolant. Le soir avec Mickaël, on s'endort en rigolant. Continuez, continuez comme ça, Fun Radio. Bah, merci à toi, Charles, pour le message. Il y a Hugo qui dit un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Je vous kiffe, bien sûr, Hugo. Allez hop là, attention. Charles, le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tu es. Ah bah voilà, t'as eu un long en plus, là, plutôt bien foutu. Hein. Alors, il y avait quoi aussi, Yamel qui dit coup de pelle pour moi, j'ai raté les 11 premières minutes de l'émission. Eh bah, félicitations. Et également, Coco Taribo qui dit le canular de lundi, j'ai cru au drame, peur du drame de ce soir également, je t'adore. Et Fabien qui dit je suis en vacances en Andalousie, ça ne m'empêche pas de vous écouter. Ah, ça, c'est bien, Fabien. Et Let's Be Freeze qui dit j'aurais dû me faire embaucher comme hôtesse à la Paris Games Week, comme ça j'aurais dragué Toff. Ah oui, t'aurais pu aller chez Orange, éventuellement juste à côté du stand de Fun Radio. Il y a Megumi qui dit bonsoir mes cochons, et Charles qui dit ah oui, le double drame évité de justesse, bravo à vous, c'était lundi soir. Oui, bah alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous lundi soir, rassurez-vous, je vais vous le rediffuser tout à l'heure, le moment du canular avec cet auditeur qui a voulu appeler son copain pour lui dire qu'en fait il s'était tapé sa meuf, et au moment où il lui a dit en fait il voulait le tuer, il allait aller chez lui, lui le découper en rondelles, et puis bah j'ai faim une blague, genre il était en direct à la radio, que c'était une connerie pour lui sauver la vie, en tout cas le mettre en sursis. Il y a quoi aussi comme, comme message, vous êtes les meilleurs, vous me faites trop rire, merci pour les messages. Et puis Mehdi qui dit enfin à toi, je t'ai attendu, j'ai entendu ça toute la journée. Bah merci Mehdi, bah j'arrive tous les soirs à 23h sauf le dimanche dès 20h. Et Léa qui dit bonsoir à toute l'équipe, bonsoir tout le monde, et merci d'être là évidemment tous les soirs, de plus en plus nombreux. Bon, Nelson. Oui. Alors, Nelson qui est de retour avec son canular qui a failli mal tourner. Si vous en avez fait, vous aussi, des canulars qui ont failli mal tourner, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Donc ne bouge pas, Nelson. On va également prendre des nouvelles de Samia maintenant, qui appelle d'Evreux. Et Samia qui a un téléphone de merde. Allô, Samia ? Ah bon, j'ai un téléphone de merde. Ouais, tu as un téléphone de merde, Samia. Ça a fait, ça a fait un sale bruit. Non, bah attends, ça a fait un sale bruit, je dis pas ça pour t'emmerder. Attends, je t'ai repris parce que j'avais mis mon casque. Ah, c'est ça alors. D'accord. Ceci explique cela, en effet. Bon, Samia, alors toi, tu nous avais appelé jeudi pour nous dire en fait que t'étais en chien sur un mec, un collègue. Et t'as envie de coucher avec lui. J'ai pas dit que j'étais en chien, non, et enfin, j'ai appelé lundi. Ah, c'est lundi, pardon. Bah, lundi, alors autant pour moi. Ah non, c'était pas lundi, enfin bref. Ah, donc c'était jeudi. Ouais, non, c'était dimanche. Ah non, ben non, dimanche, c'est pas possible. Dimanche, on était en direct à Nancy. Dimanche. C'était à Nancy ? Oui. Enfin, on s'en fout. T'as appelé quelques jours. Voilà, t'as appelé il y a quelques jours. Voilà, t'as appelé il y a quelques jours pour nous dire que tu étais en kiff. Voilà, sur un mec, t'avais envie de te faire un mec qui était au même boulot que toi. Tu l'avais appelé. Ouais. Il avait dit oh non, mais je peux pas venir. Là, je suis avec un pote. Voilà. Je suis pas dispo là. Ouais, ça allait pas, etc. Donc du coup, on avait même essayé de l'appeler. Si mes souvenirs sont bons, c'est le répondeur. Et ça a été, ça a été rien du tout en fait. Donc jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé? Tu l'as revu? Il t'a appelé? Il t'a rappelé? Explique-nous. Vous vous êtes appelé. Oui, vous êtes appelé. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a appelé le lendemain pour qu'on aille au resto. On a été au resto. On a été au resto, après on a bu. Et après on est rentré chez lui. Il a commencé à me dire oh, on est trop potes, blablabla. Et puis je l'ai fait taire. Tu l'as fait taire comment? C'est bon ça. Oui, tu l'as fait taire comment, dis-nous? Ah, bah j'ai roulé une grosse pelle. Ah, c'est pas mal. Bon, tu peux le faire taire de plein de façons différentes. Hein. Ouais, moi, oui, bien et puis après. Idée. Après, je l'ai mis dans son lit. Ouais. Non, bah c'est tout, t'as pas besoin du reste. Ah bah si, parce que tu vois, parce que regarde, de la manière dont tu nous l'as dit, ça peut très bien dire, t'as été le mec dans son lit, tu l'as couvé, merci, au revoir, et puis t'es rentré chez toi. Tu vois. Non, je l'ai violé. Ah, tu l'as violé, bah, carrément, donc lui, il a rien pu dire, alors, c'est ça. Hein? Lui n'a rien pu faire, en fait, il ne souhaitait pas coucher avec toi, et tu l'as forcé, quoi. En fait, je t'explique, en fait, un mec, même si t'as envie, s'il a pas envie, c'est pas possible. Oh si, il y a toujours moyen, tu sais. Non, il y a toujours moyen. Il avait envie aussi. Il avait envie. D'accord, ok, très bien. Mais il paraît que je suis trop impressionnante, alors c'est tout. Oh, elle est trop impressionnante. Comment elle se la ramène, là? Oh, eh oui, mais si personne me lance des fleurs, comment je fais, moi? Mais écoute, attends, parce que Toff avait oublié quelques détails importants. Oui, combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85C. Et la taille des pantalons que tu avais mis? 36. Non, bah tu peux te la ramener. Bonne! Bonne! Bonne! Bonne! Bonne! qu'elle est bonne. Ouais, tu peux te la ramener, hein. Juste parce que tu nous avais dit que tu t'étais mis en dentelle la première fois. T'avais mis quoi ce soir pour chauffer le mal? Bah j'étais avec un jean noir et des bottes et un haut. J'avais mis un décolleté exprès pour. Exprès pour quoi? Oui. Pour avec de la dentelle qui dépassait un petit peu. Oui, oui, mais il faut quand même être complètement con pour refuser des avances de ce gabarit. Ah bah je. Hein? Oui, bah, je sais pas, non, mais je comprends. On est vachement potes, alors tu vois, et puis on bosse ensemble. Alors après. Bah, mais t'en as rien à foutre, c'est des détails, ça. Pote, c'est quoi le problème? Il est complètement con, lui. C'est bourre, moi. Ah, bah, c'est attends, lui, attends, et je le vois aujourd'hui au boulot, et il était tout gêné. On fait une réunion tous les matins, et il me regardait, et quand je le regardais, il tournait les yeux. Ah, mais quel bouffon! Non, mais c'est donc vrai. Là ce soir, il est parti avec des potes, et j'ai renvoyé un texto pour lui dire je t'attends. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a pas encore répondu. Je l'ai envoyé. Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il est con? Non mais c'est un truc de ouf. Il y a Chan aussi, Chan ou Kili sur le Twitter qui dit putain la bonasse. Et qu'est-ce qu'elle est bonne? Attends, Paris Livreau, ça fait combien? J'en ai pas la moindre idée. Tu m'as pris pour Google Maps ou c'est non, mais c'est quoi là? Je suis en train de demander. Il y a deux heures. Il y a deux heures. Ouais, c'est long. Non, mais ça va, t'as un fort Autolib. J'ai pas ouvert à tout le monde. Bah, si, attends, mais attends, c'est normal. T'as pas ouvert à tout le monde. T'as vu la tête de Toff, c'est normal qu'elle dise que soit fermée. Hein. Tu sais, il y a un moment, il y a une barrière, quoi. Oui, mais c'est mon chauffeur. Ouais. Je suis bien obligé d'emmener mon chauffeur. Ouais, attends, je vais essayer pour voir. Et moi, Samia, si je viens? Je sais pas, j'ai pas vu ta tête. Ah, mais c'est très bien. C'est peut-être mieux comme ça. Tu auras la surprise comme ça. Non, mais moi je m'en fous. Il était en train de commencer à débiter. Oh, on est trop potes, machin. Moi, j'ai rien à faire. Et j'aime bien la dentelle. Je vais t'attacher avec. Tiens, il y a un message qui est arrivé. Très fragile. De quoi tu dis? C'est très fragile la dentelle. On peut pas s'attacher avec. Oui, mais justement. Bah, il faut l'enlever avec la langue. Ouais. Voilà, vrai, tranquillement, c'est... légèrement, avec avec Samia. Tact, exactement. Bon, Samia, merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire et d'être venu nous raconter la suite. C'est rare que ça arrive. D'habitude, les gens disent ouais, je te tiens au jus. Puis après, que dalle, quoi. On a rien. Attends, j'ai un truc à dire avant de partir. Ah, vas-y, dis-nous. Non, la réponse, écoute, je peux pas. Je sais que t'as envie de moi, Samia, mais malheureusement, c'est pas possible. Je suis désolé. Hein? Je peux pas. C'est ce que tu voulais dire, non? Non. Ah, pardon, je pensais. Autant pour moi. Vas-y, tu voulais dire? C'est la réponse de l'énigme que vous avez eue au début de l'émission. Voilà, là. Comme beaucoup, à mon avis. Hein. Ouais, c'est trop simple. C'est son nombril. Peut-être. Je ne sais pas. Écoute, soit c'est la bonne réponse et tu viens d'aider beaucoup de monde, soit c'est la mauvaise et tu viens de mettre beaucoup de monde dans la merde. Et on arrive à Évreux, là. On arrive à Évreux, on va venir voir ton nombril d'abord pour voir. On va te déboîter. Ouais. Et allez-vous faire foutre dans ce pays. Avec plaisir. Absolument. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout, c'est pas notre c'est genre. C'est bien mal nous connaître. C'est très très mal nous connaître, Samia. Tu m'as déçu, là. Fortement déçu, Dien. Mais oui. Ah, je suis totalement déçu de toi, Samia. Nous qui ne sommes que des gentlemen. Oui, exactement. Non, je suis pas une fille sympa. Non, mais on a vu ça. Sinon, en fait. C'est pas ta sympathie. On veut, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Comment tu peux faire? Et comment je peux faire pour qu'il dépasse son truc de on est potes, machin? C'est un minable, change. Mais oui, voilà, c'est. Bah, c'est... j'ai pas envie de changer. Mais je croyais que tu le voulais pas. Je croyais que t'avais simplement envie d'un shot avec lui, d'un one shot. Bah oui, mais maintenant j'en veux un deuxième. Oh là, Michel. Ah bah tu vois, non mais Samia, t'es sérieuse. Bon, attends, reste avec nous, Samia. On va demander si vous vous êtes déjà tapé vos copains, enfin potes de vos collègues, je voulais dire, ou alors vos potes de bahut, par exemple. Moi, je me suis tapé une collègue, moi. Ah bon, qui, Sandro? Non, c'est pas vrai. Non. Je l'ai défoncé, je l'ai bourré. Et j'ai kiffé. Eh bah tant mieux. Donc Polo est un bon coup. C'est un très bon coup. Waouh, classe. Eh bah très bien. T'as vu, ça baise à la radio aussi, ça baise. Ouais, mais c'est bien, c'est important parce que sinon on fait plus rien de nos journées. Hein. Ah, c'est vrai. C'est nul. Quand on n'est pas amoureux, c'est nul. C'est pour ça que elle est tombée amoureuse, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Mais oui, c'est pour passer le temps. Je suis pas amoureuse. Non, mais c'est un début. Mais t'es à fond, parce que... de tomber amoureuse. Ouais, arrête ton cinéma la semaine dernière. Tu nous as dit, ouais, j'ai envie juste un one shot. Après, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ouais, mais j'ai envie d'un deuxième shot. Comment lui faire comprendre que blablabla. Que blablabla et que blablabla. Bon, Samia, reste avec nous. Il y avait qu'à mal baiser. Oui, écoute, que je te dise. Bon, Samia, reste avec nous. Et puis, je rappelle que Sandro est sur le coup avec Dexter également, le stagiaire. Hein. Vous pouvez pas du tout, non. On a remis une nouvelle photo. Une nouvelle photo sur le Facebook de l'émission il y a une petite demi-heure là. Vous pouvez aller voir hein, facebook.com/MIKL officiel. Allez voir Dexter, le stagiaire de l'émission. Il ressemble à Dexter comme deux gouttes d'eau, ça en fait peur. C'est bientôt Halloween, ce sera la star de l'émission demain. Ah bah ouais, attends, il va venir avec du cellophane, là, il va venir couper les gens en direct dans le studio. Ça va être la folie totale. Non mais c'est vrai, ça va être bien. On va faire une vraie émission Halloween, vous allez voir. On va faire une découpe partie. Exactement. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes avec Alexandre et avec Romain. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Ça va bien. C'est quoi cette voix, Romain? Non, c'est que je suis en train de fumer. Ah bah bravo, Romain. Ah bah pour la peine, tu parleras après. Alexandre. Pierre-Alexandre. Ah, Pierre-Alexandre. Oui, bonsoir. Ah oui, parce qu'Alexandre, il répond pas. Hein. Bon, Pierre, coupe la radio. Oui. Coupe la radio. Voilà, coupe encore un peu mieux. On va jouer au jeu de la rupture dans quelques minutes, dans quelques instants sur Fun Radio pour gagner votre appareil photo numérique. Donc restez bien à l'écoute de Fun, évidemment. Et puis on va, évidemment, dans quelques minutes, prendre notre ami... Tof, parce que j'ai une bonne nouvelle. Ah oui, j'ai une bonne nouvelle dans quelques minutes. Tu vas rencontrer plein de nouveaux amis. Voilà, puisque bah, j'avais une petite question, je suis tombé sur une information en fait qui. Est-ce que vous avez déjà utilisé des objets de tous les jours comme sextoys? Ouais. Ah oui, ça, toi, ça m'étonne pas. Non, je vous demandais ça parce qu'il y a un sondage qui dit que 20% des Français ont déjà utilisé des fruits et légumes. Ah, ça 20, non. Oui, ah ouais, 28%, donc 1 sur 5 quand même. 28% utilisent le pommeau de douche, donc basique, entre guillemets. Et puis, évidemment, c'est pas tout. Il y a aussi la machine à laver et le portable en mode vibreur qui cartonne. Donc, venez nous dire ce que vous avez. Ah ouais? Ouais, c'était c'est, je sais pas si vous vous souvenez des petits Nokia. Ouais. Et bah, donc, je l'avais mis à l'intérieur et puis j'appelais. 8210. Donc j'avais mis à l'intérieur et puis je l'appelais. Mais toi, en fait. T'es vraiment pas bien dans ta fenêtre. Hein. Bah, c'est fini, énorme, comme, c'est drôle. T'es pas fini du tout, en fait. C'est qu'ils sont encore vivants, toi. Bah, franchement, oui, je me demande. Bon, allez, vous y allez maintenant. Vous balancez vos messages tout de suite. Si vous avez déjà eu l'occasion, peut-être, de tester ça, justement, hein, tester les fruits, légumes, etc., etc. Et bah, vous nous appelez 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis, on va s'écouter le son de Crewella maintenant sur Fun Radio. Crewella, les Ricains avec Live for the Night qui seront d'ailleurs au Starfloor. Ce sera le 23 novembre avec Fun. I live for the night, I live for the night, for the night. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, no limit. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio avec Moms sur le Facebook. Il dit ah ouais, moi j'ai déjà mis une bouteille de 50 centilitres. Enfin, c'est mon copain qui l'a mise. Non, mais vous êtes pas bien. Et n'oubliez pas de laisser le bouchon hein, oui, si vous faites ce genre de conneries. Fait d'air et là, c'est le drame. Il y a Max qui dit aussi le Québec n'a pas eu son message de bienvenue. Comment ça, le Québec n'a pas eu son message de bienvenue? Bah, attends une seconde. Voilà le Québec, aucun problème. Et Samuel qui dit bah oui, le concombre. Il y a Moms encore qui dit moi j'ai aussi couché avec mon cuistot sur le plan de travail. Au taf, c'était top, très bien. Jordan qui dit si le mec ne veut pas d'elle, il n'a qu'à demander à Valentin. Oui, c'est une idée également. Le rasoir aussi pour les meufs. Non, mais le rasoir, vous êtes pas bien, les mecs. Hein. Non, il mais y a si, Clem. Si tu le retournes, ça. Mais, ça... Mais si, après, ça va te stimuler le point G. De toute façon, bien. T'es pas terminé, toi, taf. Il y a Clem qui dit oh non, mais c'est dégueu, offrez-leur des hippie bunny à ces gens-là, des légumes, quoi. Non, mais n'importe quoi. C'est vrai, des hippie bunny, on va vous en offrir encore. Hein. On en a plein, on a reçu une caisse complète. Là, on va plein on aura l'explorateur. On aura Gilbert le Magnifique. Ouais, génial. Samia, si tu veux, je suis open bar. C'est Loris qui avait envoyé le message. Et ça fait une semaine que je vous écoute tous les jours avec mon chéri. Et on n'a pas encore eu de message de bienvenue. C'est Amandine d'Albi. Avec plaisir, Amandine. Un petit message de bienvenue. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre à toi comme message de bienvenue? Je vais te mettre ça. T'es enculé, toi. Eh ben voilà, en toute simplicité, bien entendu. Hein? C'est très simple. Ouais. Ah oui, c'est très simple. C'est un peu plus simple et très fin et très classieux surtout. On va faire les premiers appels dans quelques minutes avec Tof hein, pour ce grand sondage. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé des objets de tous les jours comme sex toys, hein, fruits, légumes, appareils électroménagers, etc., etc. Oui, je me suis mis le mixeur à l'intérieur. Voilà, mixeur, ça m'a refait l'intérieur. N'hésitez pas à nous appeler donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il a quand même utilisé un aspirateur. Hein. Oui, Tof, oui. Ah oui. Mais c'est vachement bien avec l'aspiration et tout. Bon, arrête ton cinéma. Mais si, ça, c'est... Non, attends, ça stimule à mort le ventre. Quand vent, je te disais que t'étais pas terminé, mec. Oh, mais avant, t'es pas terminé. Bon, allez, je sais pas vivre. Si on jouait à autre chose. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Yo. Et je t'emmerde. Exactement. Ah, Allez, je t'emmerde. C'est le jeu du je t'emmerde maintenant. C'était quand même bien trouvé. Et nous avons Pierre-Alexandre et Romain de retour avant de reprendre Samia et Nelson et Mathieu également pour la colle. Alors, Romain et Pierre-Alexandre, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Pierre-Alexandre a droit à la vulgarité? Oui, bien sûr, Pierre-Alexandre. Est-ce que je vois bien, Pierre-Alexandre? Hein, comment allez-vous? Est-ce que je dois vous voyez ou le tutoiement est autorisé? Pierre-Alexandre, répondez donc, on vous pose une question. Est-ce que je dois vous tutoyer ou le vouvoiement est obligatoire? Tutoyer, d'accord, ok, donc c'est très bien. Bon, Pierre-Alexandre et Romain, on va jouer maintenant au je t'emmerde. Le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard, ok? C'est loin? Ouais. C'est drôle, ouais. Ça, surtout. Ça, c'est un coup de pelle. Oh, quel fan de merde. Quel minable. Oh là là. Bon. Bon, Pierre-Alexandre et Romain, donc on appelle des gens au hasard. Et le principe, évidemment, c'est d'arriver à voir la personne et surtout de lui placer un maximum de « je t'emmerde » dans une seule et même phrase. Il faut une conversation la plus logique possible. Donc, pas la peine d'appeler en disant « je t'emmerde », ça ne marchera pas. Il faut faire des vraies phrases et mettre des « je t'emmerde » au bout, au milieu, en début de phrase. Vous les mettez où vous voulez, mais il faut que ça reste une construction logique de phrase. Ok. Ok. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, Pierre-Alexandre et Romain? C'est pour l'appareil photo numérique. Pierre-Alexandre, on va commencer au hasard. Par toi. Par moi? Ouais, par toi, exactement. D'accord. Okay. T'es bon, Pierre-Alexandre? T'es chaud? T'es dispo là? Bah oui. Tout taquet? Ouais. Très bien. Et attention. Eh bien, allons-y. Eh bien, voilà. Et attention, nous sommes déjà en top tweet à 23h37. Donc, il y a plein d'auditeurs, notamment sur Twitter, qui t'écoutent et qui vont te juger, voire même t'insulter si tu es mauvais. Allez. On ne te met pas la pression. Pas du tout. On y va. C'est parti. La musique est en dessous de toi. Dès que la musique s'arrête, ça veut dire que tu dois dire allô. Et on commence le jeu. Attention, on y va. Un maximum de je t'emmerde dans une phrase logique. C'est parti. Et on récupérera Mathieu, Samia et Nelson juste après. On va pas voir la poisse d'hier soir quand même. Ah bah si. Bon, c'est pas grave, on en appelle un autre, hein. C'est la poisse d'hier soir, hein. Ça c'était sûr. Hein. On l'a eu hier, on l'a eu, c'était CR toute la soirée. Allez. Eh moi je suis impatient de récupérer Samia là. Eh ben la poisse continue, on en appelle un autre. On va finir par tomber sur quelqu'un, hein. Oh là là, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. C'est pas sérieux là. Comment ça se passe au niveau des numéros? Je sais pas, mais je pense qu'il y a Dexter. Y a-t-il quelqu'un en France? Je pense qu'il y a Dexter, il va aller dans une autre émission de radio, lui, en stage, mais au bagne. Attends, c'est sérieux là? Personne. Ouais, personne veut jouer avec toi, Pierre-Alexandre. Ils sont tous partis. Bonjour, vous êtes bien chez... Ah bah parfait. Et le seul qui décroche, c'est le répondeur. On est au top, là. On est au top. On est parfait. J'ai un ami, au moins. Ah ouais. Bon, vas-y, Pierre-Alexandre. Fais pas le malin. Ça va décrocher, je le sens bien, là. Là, je le sens bien. C'est le bon appel. Je pense qu'il y a des claques qui vont se perdre au standard, là. On va aller chez Dexter, au stagiaire, tu vas voir. Allez, on a essayé un autre. Non, mais c'est pas sérieux, c'est le cinquième appel, là. On a même pas encore commencé le jeu. Comment ça se pale? C'est parce que je voulais l'empaler en même temps. Allez, doucement, on sait jamais que ça décroche là. Commencez par raconter vos vies, on sait jamais. Des fois que. Non, mais là, il doit y avoir un problème avec le. Possible qu'il y ait aussi peu de personnes. Oui, bonjour. Oui, oui, c'est pour savoir que j'ai eu un grave accident. Il y a eu un cambriolage chez moi et tout, puis j'ai eu partout sur mes murs et tout, écrit je t'emmerde, sur mes vitres je t'emmerde, sur mes télé je t'emmerde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par hasard? Allô? Allô? Il est encore là? Ah oui, mais il n'y est plus là. Là il est plus là, là il est ça plus là. Ça fait trois. Ce qui en fait trois seulement. Bon, merde. Allez, eh ben oui, Romain on appelle le suivant, c'est parti, il faut faire mieux que trois, du coup on a perdu du temps. Allez, vas-y, hein, Romain, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi, en espérant qu'on galère un peu moins. Bon, j'en appelle deux en même temps. Il y a bien qu'il va décrocher, hein. Allô? Oh putain, une déviation, manque plus que ça. Ha ha. Bonjour, vous êtes bien tout ça pour prendre un répondeur. Une déviation téléphonique, il manquait plus que ça. C'est bon, sur l'autoroute que ça arrive et là. Bon, écoute, alors du coup, reste avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le son de Katy Perry. Je crois qu'elle va nous porter chance, en tout cas, j'espère. En termes de poids, on est bien. Hein. Ça doit être Halloween. Pas mal, là. Je crois que je vais transformer la tête de Dexter en citrouille. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il mérite. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je transforme la tête de Dexter, le stagiaire, en citrouille? Oui, il l'a mérité. Ouais, il l'a mérité. Je pense. Allez, restez avec nous. Corporel. On revient juste après ça sur Fun Radio avec la suite du chuteur. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent en direct, bien sûr. Vous envoyez tous vos messages sur le 01 42 48 5000, vous appelez le 02 851 4x0 pour la Belgique, là aussi vous pouvez le faire sans problème. Et puis bien entendu par SMS, vous pouvez jouer avec nous avec la colle de Mathieu. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh ben, il suffit de vous inscrire dès maintenant. Vous envoyez simplement M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je répète, qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? Il y a une Wii Mini qui est à gagner maintenant, donc allez-y, bonne chance à vous de jouer. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? La Wii Mini a gagné en envoyant Mickaël par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, sans oublier également la possibilité de jouer sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis à 23h47, avant de récupérer la suite de la poisse ce soir, hein, la poisse du je t'emmerde avec Romain et avec Pierre, on va reprendre Nelson qui a fait un canular qui a mal tourné, on va reprendre également Samia qui est chaude comme la braise. Hein Samia? Non. Mais si, si, si, ah, chaude comme la braise. Chaude. Mais oui, tu es plus que chaude comme la braise, Nadia. Eh hey, Samia, excuse-moi. Tu sais, avant que tu prennes Nelson, ouais. Moi je travaille à l'hôpital et c'est fou ce que les gens arrivent à se mettre dans le cul. Parfait. Tu nous racontes ça après Katy Perry. Ouais. Tu travailles en blouse blanche. Oui. Rien en dessous. Avec ma tenue de docteur. Ah, il y a 85C pour décorer tout ça. Ah, mon Dieu. Katy Perry sur Fun Radio, c'était Walking on Air. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oui, sur Fun Radio, on est en direct avec dans quelques minutes la suite avec Romain et Pierre-Alexandre pour le Je t'emmerde. Le Je t'emmerde, ce sera juste après les appels de Toff. Bon alors Toff, on va se Allons-y. Faire un petit appel, puisque je rappelle que nous avons parlé de cette grande question. Est-ce que vous avez déjà utilisé des objets de tous les jours comme sextoys? Jamais, je n'ai jamais fait ça. Bien entendu, certainement pas. Et donc du coup, on va appeler des gens au hasard afin de vérifier si chez eux c'est comme ça que ça se passe ou pas. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à s'insérer ou pas. Et puis il y a Samia qu'on va récupérer dans quelques minutes, qui elle apparemment travaille à l'hôpital et apparemment les gens se sont déjà mis des trucs pas très clairs. Exactement. Alors tu restes avec nous Samia, on appelle une personne comme ça en speed. Allons-y. Okay. Allez, c'est parti, ne bouge pas de là Samia. Ok. C'est parti. Espérons qu'on ait plus de chance qu'au jeu du je t'emmerde. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé des objets de la vie de tous les jours comme sextoy. Vous avez plein de gens me demander si j'utilise des trucs de tous les jours. Oui. Ça ne sera pas ou quoi? Comme objet sexuel, monsieur. Hein? Non, je dis oui, c'est ça. Je vous demande si vous utilisez des objets de tous les jours comme objet sexuel. Non mais vous êtes malade ou quoi alors? Mais pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Non mais vous êtes chivré mon pauvre. Mais non monsieur. Hein. Mais pas du tout monsieur. Vous avez déjà utilisé quoi vous alors? Ah, on a raccroché. Oui, là effectivement on a raccroché. J'ai abandonné. Complètement, on rappelle? Allons-y. Allez, c'est reparti. Retour donc chez ce monsieur qui est très charmant dans l'absolu. Et on récupérera Samia juste après. Oui, excusez-moi monsieur, mais vous avez coupé un peu vite et vous n'avez pas répondu à ma question. Oh mais oh, tu vas arrêter tes conneries là, parce que je vais vite te signaler ton numéro là, au Schmitt, là, truc du cul là. Allez, va te faire enculer, grosse papette, toi. Enfin monsieur, Allô. Ah, il était sympathique, très sympathique. On va le rappeler, Samia. Hein. Ah oui, il était tellement gentil. Bah oui, il était tellement sympathique. Allez hop, encore un petit coup. Jean, il est loin de son téléphone. Oui, monsieur, c'est pas très gentil d'être désagréable comme ça. Bon, bah écoutez, vous arrêtez de m'appeler là, oui. Bah oui, moi je vous appelle pour vous poser une question et puis vous, vous devenez désagréable. Des trucs sexuels, non, mais ça me regarde ma vie privée, pauvre con. Hein. Mais c'est pas votre vie privée, monsieur, je veux juste savoir si vous avez déjà réussi à introduire des objets un peu particuliers. Dans le cul de ta soeur ou dans le cul de ta mère? Ah, non, dans celui de votre femme. Pauvre con, hein. Mais enfin, monsieur. Allô. Non, il ne nous voit raccrocher. Il a dit... Ah, toi, tu trouves ça très bon, toi, Samia, alors. Hein? T'as, tu trouves ça très bon, toi? Oui. Ok, d'accord. Bon, et comme tu travailles à l'hôpital, là, qu'est-ce que les gens se sont déjà mis comme truc un peu pas très clair? Vous êtes prêts? Ouais. Vas-y, attention, j'ai alors, peur, j'ai peur, j'ai peur, je bouge mes oreilles. Je bouge mes oreilles, vas-y, j'ai peur. La toute première fois que j'ai vu un mec, j'étais encore étudiante avec un truc dans le cul, c'était une poignée de rambarde d'escalier. Ça arrive souvent. Putain. Donc dis-toi que le mec, il est descendu sur sa rampe d'escalier jusqu'à se mettre la poignée dans le cul. Non mais t'es sérieuse. Mais non. Ah non, je suis tout à fait sérieuse, mais je ne mens pas. Tu pourras demander. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu une courgette aussi, un œuf. Un œuf. Mais ça c'est moins drôle que le pot de confiture quand même. Un pot de confiture. Bonne maman. Hey, bonne maman. Oui. Bonne maman, c'est de la bonne confiture. Est-ce que t'as vu un mec avec un micro dans le cul? Non, j'ai vu ça. Bon. Ah, écoute, c'est dommage. Donc, ils font pas vélo. Oh là là. Putain, mais il se mettait la pompe et il se gonflait le cul, non? Peut-être. Non, mais on a été obligé de l'opérer, c'était moins drôle. Waouh. Mais le mec qui se met la rampe. C'est pas la rampe, c'est la poignée. Ouais, la poignée, ouais. Parce que la rampe, elle est un peu longue. Oh, bah écoute, avec ce qu'on entend. Hein, ouais, ouais, mais là quand même, là c'est chaud. Il a pas peur que les voisins passent? C'est chaud quand même. Bah ça peut être chez lui, hein. Je sais pas, parce que tu sais, les gens, ils prennent toujours pour un con, ils te regardent, ils disent oui, docteur, j'étais tout nu, j'étais enduit d'huile, j'ai glissé. J'ai dérapé, docteur. Ouais, voilà, j'étais en train de faire mes courses et puis le concombre il est rentré, je pas fait exprès. Mais oui, bien sûr. Bon, bah dites-nous, tiens, si vous vous êtes déjà mis des trucs. Alors, rassurez-vous, on peut changer votre prénom, votre ville, votre voix, tout ce que vous voulez. Si vous avez un peu honte, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour juger, on est là pour se marrer. Donc 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Samia, reste avec nous. On va essayer de terminer avec Pierre-Alexandre et Romain là au jeu du je t'emmerde. Pierre-Alexandre qui a joué, qui a réussi à en placer combien des je t'emmerde? 3 pour le moment. 3. Et Romain qu'on va on va jouer avec toi maintenant, hein. C'est parti. Romain, t'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Pour l'instant, t'as pas encore joué. On devait le faire avant la pub, mais on a eu tellement des galères pour joindre quelqu'un que ça a égalé ça. T'as pas pu jouer avant la pub. Donc on y va. C'est parti, Romain. Dès que la musique s'arrête, tu dis allô. Allô? C'est pas possible. Allô? Ah là, vraiment la poisse. Hein. Je pense qu'on va, nous allons... Allô? Bon, je pense que nous allons arrêter ce jeu définitivement. Parce que putain, on appelle un autre. Ah ouais, quand ça décroche, les mecs ils disent rien. Ils disent pas allô, ils disent rien. Pas de répondeur, que dalle, c'est pratique. On appelle le suivant. Allez, si vous connaissez des gens donc encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas, tof@funradio.fr. Parce que là on a fait que la première partie, j'ose pas imaginer jusqu'à la fin. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, un message, Romain. Parfait. Bon, vous savez quoi? Parce que ça m'a saoulé, là. Pierre-Alexandre, tu as fait ta partie. Romain va faire la sienne maintenant. On va pas faire deux manches parce que je pense qu'on va faire que ça jusqu'à 2h du mat. Sinon, là, ça va être la galère. Donc, attention, Romain, vas-y. Tu joues tout et cette fois-ci, il n'y a pas de chance. On y va. On en appelle encore un autre. Ça passe ou ça casse? Ah ouais, ouais, là, ouais. Bah, sinon, on va faire que ça de la soirée, là. Il y a encore des appels avec Toff à faire. On a Samia aussi qui est sur le grill, là. Allô? Ouais, bonjour. Ouais. Tu m'as envoyé des lettres d'insultes comme quoi tu m'emmerdes, donc moi aussi je t'emmerde, tu sais quoi? Je sais pas, déposer je t'emmerde dans ma boîte aux lettres, franchement ça se fait pas. Et donc premièrement, tu sais à qui tu parles ou pas? Ben oui, exactement, la voisine du dessus. Hein. Donc oui, pour nous mettre je t'emmerde dans la boîte aux lettres, non mais je suis désolée, excuse-moi, tu me mets je t'emmerde dans ma boîte aux lettres. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah bah non, c'est terminé. Ouais, alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Oh non, c'est pas égalité, par pitié. C'est 4. J'en ai compté 4. Allez, vas-y. Non, parce que le premier n'était pas valable. Oh putain, il manquait plus qu'on fasse un ex-écho. C'est la première fois que ça arrive et c'est le soir où on est. On a la poisse totale. Je suis désolé, hein, je... Oui, non, mais c'est bien, c'est la règle, qu'est-ce que je te dise. Bon, et bah du coup, allez, on fait la deuxième partie. Allez, ouais, on l'appelle. Cool. Allez, allez, ça va le faire, faut y croire. J'espère. Pierre-Alexandre, vas-y, il faut battre 4 donc, hein, ton t'inquiète, propre... si c'est 44. Ah, 3, c'est 3. Allez, vas-y. Ah, c'est 3, pardon, faut battre 3. Allez. Par pitié, que ça décroche plus vite. Donnez les vos numéros s'il y a des gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qu'on les appelle. Ouais, j'en appelle un deuxième en même temps, genre, moi, je suis rock'n'roll, ok. On vient de les faire, ceux-là. Bah ouais, mais là... Non, je... Oui, bonjour, vous êtes bien, Antoine. Ah, merci. Bah... Oui, bonjour, vous êtes bien. J'ai cru que j'avais raconté. Non, mais oui, bonjour, Pierre-Alexandre, laisse tomber, c'était le répondeur, là. Bonjour, vous êtes bien sur le... Waouh, allez. Ah, ça, c'est de ta faute, c'est parce que t'as raccroché, on l'avait, celui-là. Non, c'est l'autre que j'ai raccroché, non, c'est pas celui-là. Bon, Pierre-Alexandre, encore un autre. Oh, putain. En termes de pas de bol. Il vient de décrocher. Ouais, bah. Vous pouvez voir qu'on est en direct là, hein, parce que sinon on aura tout coupé. Hein. Oui, allô ? Oui, bonjour. Je m'appelle Bruno et je voulais vous dire par hasard, vous avez pas eu des insultes dans votre quartier, comme par exemple des cambriolages où c'était écrit sur vos murs, je t'emmerde, sur les vitres, je t'emmerde, oui, sur les télévisions, je t'emmerde. Oui, monsieur ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Bruno et sur tous mes papiers c'est écrit je t'emmerde, sur mes télés c'est écrit je t'emmerde. Par exemple sur mon lit, vous êtes tagué je t'emmerde. Comment ? Vous êtes situé où monsieur ? Je suis situé en Bretagne. Ah oui, alors moi ça. Je suis dans le sud. Ouais, non, mais, non, parce qu'en fait ça arrive partout. Et je vous jure, ça arrive partout, c'est écrit je t'emmerde partout, mais je vous jure, c'est je t'emmerde et je t'emmerde. Désolé pour vous. Mais monsieur, je vous jure, dans mon salon c'est écrit je t'emmerde, sur ma salle de bain c'est écrit je t'emmerde, mais je vous jure. Hop là, terminé. Alors Pierre-Alexandre, il a fait combien ? 10. Ah, 10. Allez, Romain, attention, on y va. On remet le couvert et il faut battre 10. Hein. Romain, autant dire que c'est pas gagné. Hein. Ah oui, comme tu dis, oui. Allez, c'est parti. Ah bon, on appelle où maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? À Londres. On va faire chier un mec qui est à l'étranger. C'est bien, ça va aller vite. Il est aux États-Unis. J'ai l'impression. Oui ? Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai reçu des lettres d'insultes avec écrit « je t'emmerde » sur ma boîte aux lettres. Sur le courrier, il y avait écrit « je t'emmerde ». Et donc, c'est pour savoir si vous savez qui c'est, parce que des lettres de « je t'emmerde », je suis désolée, quoi. Mais j'ai reçu « je t'emmerde » sur ma boîte aux lettres, sur ma bagnole aussi, il y avait écrit « je t'emmerde », donc... C'est sur quoi ? C'est une lettre réelle ? Oui, je t'emmerde sur la lettre et sur la boîte aux lettres, il y avait écrit je t'emmerde et sur la voiture aussi, il y avait écrit je t'emmerde. Sur la voiture ? Oui, il y avait des insultes, je t'emmerde. Et pourquoi vous me rappelez à moi ? Mais je sais pas, vous êtes la voisine, donc... J'ai reçu des lettres d'insultes avec écrit « je t'emmerde » sur la boîte aux lettres. Dans le courrier, il y avait écrit « je t'emmerde » sur la voiture, il y avait écrit « je t'emmerde ». Ah, oh, c'est pas... Non, je ne vous pas rien parce que si... je suis pas maintenant à la maison, mais... Mais il y avait écrit « je t'emmerde » dans le courrier, « je t'emmerde » sur la voiture. Il y avait écrit « je t'emmerde » partout, quoi, donc... Oh mon Dieu. Mais « je t'emmerde » on en a vu partout, quoi, donc « je t'emmerde ». Oh, c'est pas rien du tout. Mais vous avez pas une idée parce que le courrier avec écrit je t'emmerde, franchement, c'est dégueulasse de faire ça, quoi. Non, oui, c'est horrible. Non, je sais pas, je suis à l'Angleterre, je suis à l'Angleterre maintenant. Je le savais. Je suis pas à Toulouse. Ah ok, mais oui, mais c'est pour ça, parce que il y a écrit je t'emmerde partout, donc je t'emmerde sur le courrier et tout. Enfin voilà quoi, on a écrit je t'emmerde partout. Enfin c'est dégueulasse quoi. C'est pas. Oui, c'est pas. Et c'est dans tout le courriel, dans tout le. Ouais ben c'est ça, on m'a écrit je t'emmerde partout donc. Oui c'est. Mais pour nettoyer je t'emmerde, c'est dégueulasse. Quelqu'un peut rentrer dans le. Ouais. Dans le bâtiment, ça c'est pas bon. Mais ouais. Mais il y avait écrit je t'emmerde quoi, donc ça à mon avis c'est quelqu'un qui était en colère parce que à écrire je t'emmerde partout, Putain, c'est pas venir les flics pour ça, quoi. Si c'est des drôles qui font des blagues. On est combien, là? Oui, c'est pas. Avec écrit je t'emmerde. Oui, je veux... 25, pardon. Je sais pas, je veux poser la question à mon copain parce que parfois il peut boire quelque chose, mais je sais pas. Oh ouais, putain, mais il y a Colombo qui m'a enquêté. Il avait écrit je t'emmerde et même sur la boîte aux lettres c'était tagué je t'emmerde. Donc, oui, oui, je comprends. Mais vous avez pas reçu pas, de je t'emmerde dans votre courrier quand vous étiez à Toulouse. Je sais pas parce que je suis pas là. Non, mais on a compris. Ah, d'accord. Ah mais oui, vous m'avez dit, vous avez déménagé. Je suis langataire maintenant. Mais en tout cas, il y avait écrit « Je t'emmerde partout », quoi, donc voilà. Oui, je vais regarder ça. Je retourne le vendredi et je vais voir. Oh putain. Vendredi, je vous montrerai, hein, parce que la boîte aux lettres, on n'a pas... Oh là là, on a gagné, mec, c'est bon. Oh là. Et on a toujours la lettre avec écrit « Je t'emmerde » aussi. Ça fait 30, là, on peut arrêter. Oui, je sais, mais je sais rien. Oh, il est chiant. Il laissait pas. Il laissait pas, il est comme ça. Non, mais pas dans le pays. je ne sais pas, je ne sais rien. Désolée, mais... Mais vous n'aurez pas une idée de qui c'est qui a écrit « Je t'emmerde ». Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va lui raccrocher au nez, la petite dame, elle est gentille, mais... Je sais pas. Ouais, bah voilà, elle sait pas. Bon, Romain. Ouais. Bon, c'est perdu, Romain. On en fait que 4, hein, Romain. Vous êtes sérieux, là? Ah non, tous les autres sont invalides. Ouais, tout est... J'en ai fait une vingtaine, là. Ouais, mais tous les autres sont invalides. On a tout invalidé. N'est-ce pas, Pierre-Alexandre? Sérieux? Ah, ils sont tous invalides, hein. Bah oui, c'est vrai. Le mytho. Mais non, Romain, t'as gagné. Ouais. Ah, ça se fait trop hâte. Ouais. Bon, et Romain, en plus, ça fait si t'as pas fait un record, c'est pas loin, quoi c'est qu'il bon, en soit. Ouais. Donc on est à 32. Ouais, 32, je t'emmerde. Autant 32. Dire que bah ouais, Pierre-Alexandre, il t'a mis ta race. Eh hein. Putain. Ouais, Pierre-Alexandre, malheureusement, c'est perdu, tu retournes chez ta mère, les mains vides. Ah, ça va, ouais. Ouais. Je veux une dédicace. Bon, bah t'auras gagné ça au moins, vas-y, à une personne. Une personne? Ouais, choisis la bonne. Je vais faire une dédicace à Alexis Bono, qu'on surnomme Alpha. Très bien. À la boule. Et ben voilà, ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi Pierre-Alexandre, à bientôt. Ouais, est-ce que pour un pack fun, c'est bon ou pas? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème pour le pack fun, Pierre-Alexandre. Ouais, et salut. Je peux faire une dédicace moi. Allez, aussi. Allez, vas-y, Romain, une seule personne également, profite. Alors, et choisis la bonne. Je fais une dédicace à Angelo qui m'a demandé. Très bien, eh ben message passé, pas de problème. Salut en tout cas Romain, et l'appareil photo numérique est pour toi, à bientôt. Merci. Salut. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. On va de refaire un petit coup la colle également dans quelques minutes. On va le reprendre dans le standard. On va récupérer Nelson également avec le canular. Il a fait un canular qui a mal tourné. Il va nous expliquer ça en détail dans quelques minutes. Et puis on va également rediffuser l'extrait de du canular qu'on a fait. Enfin, à la base, c'était pas un canular, hein, mais qui a tourné en canular et qui aurait pu terminer en catastrophe. Qu'on a eu l'occasion de faire lundi dans l'émission. On fera ça d'ici quelques minutes. Et on va se faire également, bien sûr, les teubés de la télé. Ce sera juste après le son de Backer Matt. Maintenant, c'est Van Dyke sur Fun. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les polars. No limit. Sur Fun Radio. Et il n'y a plus de pub sur Fun Radio, là, toute la nuit. Bienvenue, si vous venez de débarquer, il y a Thomas qui dit mort de rire, le jeu du je t'emmerde avec l'anglaise. Ah bah oui, elle était forte, elle. Geoffrey qui dit, j'en peux plus, sans déconner, je vais m'acheter des côtes. Et alors, Élise, mort de rire, je kiffe l'Angleterre et le je t'emmerde avec les... Oh mon Dieu, oui, c'est horrible, je vais poser la question à mon copain, juste le truc de ouf. Et Charles qui dit, j'aime cette personne, elle joue le jeu, c'est cool. Ah oui, ça c'est clair, hein, pour le jouer le jeu, elle a bien joué le jeu, en effet. Bon, on va récupérer Samia. Allô, Samia, qui est de retour. Oui, I'm back. Oui, cochon. You are back, tant mieux. Cochon. Bon, eh ben oui, et Samia. Arrêtez avec vos cochons. Oh, c'est amical, Samia. Ah, d'accord. Oui, c'est amical, t'inquiète pas. Sors la dentelle. Bon, Samia. Alors, toi, tu nous avais appelé donc suite à ton rencard avec ton collègue. Hein, donc, tu voulais des conseils pour savoir si il y en a qui étaient déjà sortis avec leur collègue, comment ça s'était passé. Parce que lui, il a l'air, il avait un peu fermé. T'as réussi à le dérouiller un petit peu. Et puis, ben, maintenant, t'aimerais bien qu'il te remette une petite cartouche. Ouais, c'est pas très joliment dit, mais c'est ça. Ouais, dans l'absolu, c'est un peu ça. Bon, et on parlait également des trucs que vous pouvez vous insérer, hein, les filles, hein, ou même les garçons d'ailleurs, hein, objet de tous les jours. C'est le thème de soir. On va appeler encore d'autres personnes tout à l'heure avec Toff. Toi, tu nous avais dit que en tant que infirmière, c'est ça, que t'es infirmière ou médecin? Médecin. En tant que médecin, bah t'as déjà eu l'occasion de voir à l'hôpital des gens qui étaient venus avec des trucs pas très catholiques à l'intérieur de leur fion. Putain, une fois j'ai retiré une boule à neige, laisse tomber. Quoi, la neige? Comment ça, une boule à neige? C'est la petite boule à neige. Tu sais, les boules, les espèces de... Ah, les trucs, les ramasse-poussière ou t'as... Ou t'as genre... je sais pas moi, le... La tour Eiffel. La tour Eiffel, des trucs comme ça, et tu dois le secouer, t'as la neige qui tombe. Oui, oui, et c'était quoi le tien? De Londres. Ah, non, c'était Londres, c'était mignon. Le Big Ben. Mais non, mais attends, mais ils sont fous. Mais comment ils ont rentré ça à l'intérieur? Ah, ils ont poussé. Et bah, tu sais, après, bon, t'as plein d'histoires. Moi, j'ai pas tout vu, mais il y en a bien qui se mettent des hamsters dans le cul. Mais non. Non, mais ça, c'est une histoire. C'est quoi ça? Non, une casserole. Non, non. Est-ce que t'as déjà vu un mec avec une casserole avec dans le cul? Mais oui, avec un camion à 40 tonnes. Non, le truc le plus gros, c'était vraiment le truc le plus gros, c'était vraiment le pot de confiture. Mais le pot de confiture, c'est mais le quoi le bon gros pot materne là de 500 grammes? Ouais, un gros pot. En fait, c'est le truc à péter à l'intérieur. Oh, avec le verre. Et tout, quelle angoisse. Et donc nous on a retiré les bouts de verre et après il a été se faire opérer parce que... Bah oui, il fallait lui recoudre l'anus, quoi. Ah bah oui. Franchement, retirer les bouts de verre, c'était dégueulasse. Non mais c'est scandaleux, je veux pas savoir plus. Ah. Attends, il y a Brian également qui est avec nous de Drancy. Salut Brian. Allô Brian. Oui, allô, bonjour. Oui, salut Brian, comment vas-tu? Ça va. Alors, toi, tu voulais réagir aussi par rapport à Samia et par rapport au thème, hein, à priori, là, celui des objets de tous les jours, comme sextoys. Est-ce que tu as déjà utilisé ou est-ce que tu as déjà utilisé quelque chose avec ta copine? Je ne sais pas. Oui, mais en fait, moi, c'est... Attends, parle-moi près du téléphone, s'il te plaît, ou enlève l'oreillette, je sais pas. Non, même pas, c'est le téléphone, il déconne. Ah oui, d'accord. Tu vois pas? Bah, super mal, mais vas-y. En fait, moi, j'aime bien mettre les boîtes de vitesse. Les boîtes de vitesse? Les pommeaux de vitesse? Mais dans ton cul ou dans celui de ta meuf? Non, dans le mien. Ah, okay. Oh, mais t'es dégueulasse! Je sors de la discussion. Mais, est-ce que, parce que dans les pommeaux de vitesse, tu peux dévisser le pommeau et avoir juste la petite tige? Non, je la mets en troisième. Non, mais tu te fous de ma gueule, Brian! Non, c'est une connerie, ça. Tu te fous de ma gueule! Non, mais ça, il y a des meufs. Enfin, moi, je connaissais une meuf qui le faisait, ça. Ouais, mais dans le fion. Non, pas dans le fion, elle se le mettait, voilà, c'était pour rigoler, donc... Ah bah c'est drôle. Non, mais après, je mets un préservatif dessus et je lui dis... Oh là là. Mais quoi, t'as pas tombé enceinte, espèce de con? Non. Mais quoi, tu fais ça dans ton garage, tranquille? Non, bah en fait, c'était quand j'avais ma voiture, en fait. Ça t'excite, ça? Mais là, comme j'ai pas de voiture... Ah, t'es en galère. Fait, ce soir, je m'amuse à... En fait, je sors de chez moi et... Je casse des vitres et puis je vais dans les voitures des gens. Tu fais quoi? Ouais, voilà. J'ouvre la voiture des gens et là je le crois pas. Là. Ouais, t'abuses. T'es pas sérieux, non, mais c'est pas possible. Après, attends, tu te fous de moi. Je sais pas, c'est mon petit péché mignon. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Hey, ça t'excite ça ou pas là, ce petit bruit? Bah forcément. Non, quand c'est démarré, c'est pas bon, ça vibre. C'est pas, ouais, c'est ça. Après, ça te chatouille le cul. C'est pas... Oui, merci, Taf. Mais oui, d'accord, ok. Mais c'est Brian, c'est bizarre quand même, non? Pourquoi? Non, pour rien. C'est normal. Mais t'as raison, effectivement. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Oui, t'as peut-être raison. Samia, t'as jamais eu ça à l'hôpital, toi, mais qui est venu avec un pommier de vitesse dans le fion? Ah non, mais je voulais lui dire qu'il devrait faire très attention parce que le jour où il arrivera à l'hôpital, il aura l'air con. Oui, et surtout, ce n'est pas fait pour Brian, aussi bien l'un que l'autre. Bah au moins j'aurais gagné une voiture. Ou pas. Ouais, parce que... Ouais, ou pas, et puis en plus, si jamais c'est les pompiers qui te ramènent avec la voiture, t'auras bien l'air con. Ah oui, surtout si c'est pas ta voiture, tu vas te faire choper par les keufs en plus. Ah ouais. En plus. Ouais, mais j'aime bien. Ah bah c'est parfait. Bah attends, il y a aussi... Mais après, ils pourront me prêter leur matraque. Voilà, attends, il y a aussi Lilou qui est avec nous, 20 ans d'Épinal. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Comment ça va Lilou? Ça va et vous? Bah ça va bien Lilou. Bon alors toi tu as déjà eu des trucs un peu particuliers à l'intérieur ou tu as déjà peut-être mis quelque chose de particulier à des mecs, à tes mecs, à tes copines, je ne sais pas. Non, c'est pas moi, c'est un clavier. Là que... non, autant prendre la souris à ce tarif-là. Pour tweeter dessus. Non, c'était la copine d'un pote. Ouais. En fait quand il baisait, fallait absolument qu'il lui mette une bouteille de déo dans le cul. Hein? Mais c'est pas possible. Moi je pense que la copine c'est elle. Ouais, non, c'est non, ça, non, ouais. Non, c'est mais pas moi. Oui, Lilou, t'inquiète pas, non, c'est la vous copine. Vous connaissez trop bien, faut que je fasse ça. Oui, c'est la copine. On clignait, je te fais un clin d'œil. Regarde. Non, Et donc, ta copine, elle aimait bien ça. Mais hein? juste le, la taille du déo, c'était plutôt axe ou plutôt la taille du déo, du dernier déo que tu as acheté. Savoir, mais quand il me racontait ça, j'hallucinais quoi. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une copine. Ah, mais arrêtez de croire que c'est moi. Mais pas du tout. Parce que franchement, j'ai l'air d'avoir on voit pas ton air. Bah voilà, c'est ça, ouais, on voit mais mal. Moi, ils m'ont vu dimanche, alors ils peuvent le dire. Et alors Non mais sérieusement, faut avoir envie de se mettre une bouteille de déo dans le cul, quoi. Oui, mais il faut dans l'absolu, je ne comprends même pas qu'on ait envie de mettre quoi que ce soit dans son fion. Attends, on a pas mais parce que moi, parce que Samia ne connaît pas la politesse. Non mais Samia n'entend rien surtout. Ah ben je crois que le standard en fait est pété à mon avis. Je pense que c'est plutôt ça le standard parce que personne nous entend là. On est en train de parler, tout le monde parle en même temps, donc je pense que le standard a un problème. Mais non, ça on s'en rend compte depuis 23 heures à mon avis. Hein. Bon, tu disais Lilou. Mais je sais pas, se mettre un pommeau dans le cul quoi. Ouais, mais il y en a hein, apparemment, regarde. Oh. Hey, sur le sondage là, il y avait 20% des Français qui ont déjà utilisé des fruits et des légumes, 28% utilisent le pommeau de douche. Et non, puis mais aussi le pommeau de douche, t'es pas obligé de te le rentrer, ouais, tu peux juste utiliser le jet. D'accord, ok. Et puis après, il y avait aussi la machine à laver et le téléphone en mode vibreur qui cartonne pas mal apparemment. Oh Marc, moi j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai vu des trucs bizarres aussi. Hein. On va pas savoir, pas la maison de retraite. Pas les vieux. Non, pas les vieux. Non, je veux pas savoir. Pas les déambulateurs, tout ça, non. Il y a DJ Kaizen qui dit, moi grave quoi, il le dit avec aisance, je pense que toute la Polynésie est en overloaf. Là. Eh ben merci DJ Kaizen, celui qui nous écoute en Polynésie, donc tu sais quoi, va te faire enculer. Le mec, il les écoute en Polynésie et il vient se la ramener. Pourquoi il doit préciser qu'il est en Polynésie? On s'en fout, c'est moche. Hein? Je préfère Dunkerque. Ouais. Voilà. Ouais, on est mieux à Dunkerque. Compliqué. Exactement. Il y a. Comment ça s'appelle? Merde. Je ne sais pas. Eh ben, tu resteras plus tard. Il y a Geoffrey qui dit, une fois j'ai vu mes parents sortir de leur chambre avec une banane et un donuts et une louche. Mais c'est parce qu'ils avaient faim, ils avaient bouffé, je pense. Il y a Laconi qui dit mort de rire, il se met le levier de vitesse dans le fion, c'est un ouf. Le prince qui dit, mais ce mec est immonde. Il y a Nanou qui dit, la boîte de vitesse, ils sont complètement malades. Il y a eu des cloques à cause de frottement du pénis en branlette espagnole. Waouh, classe aussi ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Un pot de confiture mort de rire, c'est David. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une poignée de rampe d'escalier mort de rire, c'est Sean. Et Guigui qui dit, bizarrement, moi j'ai jamais utilisé d'objet du quotidien pour ça. Il faut que j'essaye. Oui ou pas, hein, c'est pas obligatoire non plus. J'essaye pas n'importe quoi. Voilà. Et Fabienne qui dit, vous êtes givré, Anontoff est chaud comme la braise. Oui, ça c'est sûr. Et puis Nanou qui dit, tu connais pas Fun Radio, il te manque une case. Même Valentin connaît Fun Radio. Oui, c'est vrai, même Valentin qu'on écoute souvent d'ailleurs hein, connaît Fun Radio. Bon, merci en tout cas Lilou d'être passé. Hein. Bah de rien. Lui, vous revenez quand à Nancy? Pas tout de suite. On est allé il y a quelques jours, donc Je sais. Mais justement, si toi t'appelles des Vosges, pourquoi tu veux qu'on retourne à Nancy? C'est idiot. Bah parce que. Ah d'accord, non mais alors très bien, écoute. Non mais ça a une logique tout ça. C'est... Non mais parce que en fait, tu vois, il y a Toff, il m'a papouillé les cheveux et ça me manque en fait. Non, je comprends. Papouillé les cheveux? Souillé? Oui, je lui ai fait les cheveux avec amour, c'était waouh. Et il s'est rien passé de plus? Non, malheureusement, non. Il y avait mon copain. Ouais. Ah d'accord, mais apparemment il est pas à jouir dernièrement, Toff. Il a dû l'aborder aussi. Donc c'est peut-être ça le problème, hein, c'est possible. Bon, et bah Lilou, bah, je sais pas, mais en tout cas on passera, on fera encore une autre ville à mon avis, au courant du mois de novembre à mon avis, ou fin novembre, je sais pas encore. On va revenir vous voir, je sais pas encore dans quelle ville, je sais pas du tout où ça va se passer, dans le nord, dans le sud, en Belgique, au Luxembourg, je sais pas du tout où on va aller, mais on va y aller, ça c'est sûr. Donc bon, on vous tiendra au courant et puis on vous demandera aussi dans quelle ville vous voulez qu'on vienne d'ici peu sur le Facebook de l'émission, sans problème. Gros bisous Lilou. Bisous. A bientôt, salut à toi Lilou. Et il y a également Mousse qui est avec nous, salut Mousse. Salut. Comment salut, ça va Mousse. Comment va l'équipe? Eh ben ma foi plutôt pas mal et toi? Ouais ça va nickel, ça me rassurait trop bien. Oh bah c'est gentil Mousse, merci beaucoup. Franchement c'est la classe, hein, y a rien à dire. Merci Mousse. Tu fais des bulles Mousse sur la route, hein. C'est drôle ça. Bon, non rien, je lui ai mis un coup de pelle. Je fais des bulles. Mousse, tu voulais parler à Samia toi? Ouais, Samia, je la kiffe. Ah bah oui, j'imagine. Ah merci. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, on la kiffe aussi, Mousse. Franchement, t'es de la patate. Hein. Ah oui, bah oui. Bon, dis Mousse. Oh, elle est pas jalouse, Karima, à côté? Pourquoi? Bah je sais pas, si je kiffe Samia et Karima, ça le fait, non? J'ai pas compris, Mousse. Il a demandé s'il avait le droit de kiffer les deux en même temps. Mais quel deux? Voilà. Mais c'est Karima. Ah, dans le Vinfun? Ouais. Ah, mais tu me parles d'un dos, toi. C'est-à-dire que ça fait une heure et demie, ils ont fini. Ouais, toi, je prendrais bien aussi une autre meuf là qui se trouve à la compta. Si tu précises pas, comment tu veux qu'on sache? Je pensais que t'avais confondu avec Sandro, je sais pas moi. Bon, non, non, merci. Mousse, essaye déjà d'en avoir une avant d'essayer d'avoir les deux. Ouais, mais j'en ai déjà une. Ah bah en plus, alors essaye d'avoir une troisième. Là, t'as vu comment t'es? Ah, quel salaud quand même. Non, mais je parlais de Samia. Hein. Oui, mais je sais, ouais. Ah, tu penses. Oui, mais non, mais Samia, Mousse, comment te dire que t'es pas encore avec elle, Mousse. Ouais. Et c'est loin d'arriver d'ailleurs, a priori. Hein. Oh, parce que comment te dire qu'elle en kiffe sur un autre là? Je suis mal barré quoi. Ah, et puis Évreux-Bordeaux, il y a quand même un bout de chemin quoi. Ouais, il y a un petit bout de chemin effectivement, ouais, Mousse. Ah bah ouais, Mousse. Mais t'es déjà sorti avec un collègue ou une collègue? Non, jamais, non. Ah, jamais, d'accord, ok. Non, non. Bah écoute. Putain, mais vous allez pas me faire croire que c'est arrivé à personne. Bah écoute, visiblement non. Bah il y a juste Paulo qui s'est appelé Sandro. Jamais arrivé. Apparemment, c'est juste ça le problème. C'est juste Paulo et Sandro qui ont déjà couché ensemble, a priori, mais c'est tout, quoi. Pas plus. Voilà, pas plus. Ah oui, malheureusement, okay. C'est tout. Et puis les mecs qui se foutent des trucs dans le chiot, là, franchement, c'est grave. Hein. Ah, mais complètement. Attends, c'est un truc de ouf. On aura Kevin aussi dans quelques minutes, là, qui voulait aussi donner son avis par rapport à ça. Ouais. Ah, bah attends, bah bouge pas de là. Samia, reste encore un petit peu. On va essayer de trouver encore d'autres personnes, là, qui éventuellement sont déjà sorties avec des collègues, hein, pour voir. On va récupérer Nelson, qui a fait un canular, qui a mal tourné. D'ailleurs, ça m'en donnera la possibilité de vous rediffuser celui de lundi qui a failli mal mais très mal tourner, donc ne bougez pas. Okay. Et puis Mousse, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, ok, ça marche. C'est possible d'avoir un pack Loving Fun? Non, mais un pack fun, oui. Ouais, ça marche. Voilà, parce que c'est deux émissions séparées, je sais pas si vous avez remarqué. Salut Mousse. Ah, okay, ouais. Pas de problème, ouais. je te repasse Sandro au standard. Et puis on va se faire la colle également maintenant, on n'a pas eu l'occasion de la faire souvent ce soir. Hein. Mathieu, la colle pour gagner la Wii Mini. Mathieu, t'es là? Oui, je suis toujours là. Très bien, on donne la réponse. Bon, en théorie c'est minuit et demi, mais comme on a eu l'occasion que très peu de faire la colle, on va laisser un quart d'heure, 20 minutes en plus aux gens. Vas-y Mathieu, fais péter la colle. Alors, qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus entre les seins qu'une femme de 20 ans? Très bien. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus entre les seins qu'une femme de 20 ans? Si vous avez la bonne réponse, eh ben, à vous de jouer. Hein. Vous envoyez tout simplement M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort, à vous la Wii Mini si vous avez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? On proposait des rides. Non, du tout. De la croûte. Oh, classe. C'est pas mal, j'aime bien. Des poils. Le nombril. Ah, non. Des poils. Il y a quoi? Il y a du sperme. Eh, Samia. Oui. On t'a dit tout à l'heure que tu ne pouvais pas jouer, Samia. Donc, soit tu aides les gens. J'ai joué sur Facebook. Ouais, ah, bah, très bien. Peu, bah, alors, si t'es tiré au sort, Samia, tu vas pouvoir gagner. Je vais être tiré au sort. Ah, bah, ça, on verra. Mais enfin, quoi qu'il en soit, maintenant, t'as donné la réponse que peut-être ça va aider plein de gens, en fait. Non mais c'était mets-toi des la dentelle aussi. Dans la bouche en fait. Il y a de la graisse qu'on proposait également. Non du tout. Une bite ou du vide? Non plus. Des vergetures? Non plus. Le champignon? Ah non. Les genoux? Ah classe, hein, vous avez non, oui. Du lait entre les seins, classe. Un tuyau qu'on proposait aussi. Une chatte, très bien aussi, classe. Et oui, c'est pas mal. Bon, ben on donne la réponse dans à peu près un petit quart d'heure. À vous de jouer. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis bah on va s'écouter le son de Fédé Legrand maintenant avec No Good sur Fun Radio. Bah bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat avec le top tutos. On fera un point dans 5 minutes juste après le son de Fédé Legrand. Bah à vous de jouer, hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages sur le Twitter de l'émission et pour m'ajouter, bah rien de plus simple, vous tapez Mickaël _ officiel et si vous m'ajoutez, eh bien je vous ajouterai à mon tour. Voilà, on se followera mutuellement comme ça. Bonne chance et bonne soirée tout le monde, minuit 26 sur Fun Radio, on est en direct au cœur de la nuit sans pub. C'est Fédé Legrand qu'on écoute maintenant et No Good sur Fun. C'est Fun Radio avec Fédé Legrand et No Good à l'instant sur Fun Radio, minuit 29, on est toujours en direct évidemment, avec tous vos messages qui arrivent sur le Facebook, le Twitter, venez nous rejoindre, vous tapez facebook.com/mickaël officiel pour venir nous suivre sur le Facebook, et sur le Twitter, vous tapez pareil, mais vous mettez un _. Et bien entre vous, vous tapez Mickaël underscore, la petite barre en bas là. Et puis vous mettez officiel, Mickaël underscore officiel. C'est aussi simple que ça. Retour avec Brian dans quelques minutes, avec Stéphanie également qui voulait réagir par rapport à Samia. Brian qui voulait réagir par rapport au truc un peu bizarre qu'on a eu l'occasion de s'insérer. Et puis bah juste après ce problème de Nelson qui a fait un canular qui a mal tourné, qui a fait ça sur sa web radio. Donc il avait appelé un hôtel pour dire en fait que bah il y avait un incendie dans l'hôtel et que tout le monde devait sortir. Résultat, tout le monde est sorti de l'hôtel et ça a été problématique, Nelson, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, bah, le mec a porté plainte, donc c'est assez problématique. Bah oui, mais il a porté plainte contre toi ou il a porté plainte contre la radio? Il a porté la radio, contre la radio, parce que et... moi il savait pas qui j'étais. D'accord, et du coup tu t'es fait virer? Bah non, mais c'est pas ça, mais les mecs, moi je les ai appelés à minuit pour leur dire que voilà, c'était compliqué, que le mec a dit qu'il allait porter plainte et tout. Donc les mecs, ouais, ils étaient à deux doigts de me virer et... Donc ils ont dit bon on va attendre ce que l'hôtel dit. Donc bon, ils ont pas voulu attendre, finalement ils ont rappelé l'hôtel pour savoir. Donc le standardiste était mort de rire. Hein. Ah oui, donc, oui, ça l'a fait marrer, oui. Ah bah le standardiste oui, mais le directeur de l'hôtel lui il était moins content parce que les 30 clients voulaient se faire rembourser leur chambre. Ah bah forcément ouais. Mais moi j'aurais fait un scandale. Ils étaient dehors sous la pluie à 23h, donc ils voulaient se faire rembourser leur chambre. Donc, tu m'étonnes. Et comme quoi c'est la preuve hein. Vous savez qu'il y a un appel masqué pour être démasqué. Ah bah il a été démasqué puisqu'ils t'ont rappelé. Démasqué, bah oui. Ah oui, là ils ont complètement été démasqués. Et du coup alors ça s'est fini comment cette affaire? Bah cette affaire c'était fini que l'hôtel voulait qu'on rembourse les chambres d'hôtel. Donc finalement bon on a expliqué, j'ai dû m'excuser sur Facebook, Twitter, enfin j'ai dû m'excuser partout quoi. Et finalement ça a été classé sans suite parce que c'était un des premiers canulars que je faisais. Ah et, bah tu commences bien toi dans le monde de la radio. Bah je commence pas, moi ça fait longtemps que ça fait un an mais que j'en fais, mais j'ai jamais été signalé à la police, donc bon. Bah au moins là j'étais tranquille, mais faut pas que je recommence quoi, parce que la il faut pas recommencer. Bah d'ailleurs regarde, on avait fait ça lundi pour ceux qui étaient pas avec nous. C'était une meuf qui voulait qu'on appelle son mec pour lui dire qu'en fait elle s'était tapé son père. Et donc c'était véridique hein, c'est-à-dire que c'était pas prévu pour faire un canular et ça a failli pour le coup également mal tourner. Alors écoutez, c'était donc lundi soir. Allô, écoutez. Ouais bébé. Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais. Oui, je te dérange? Non, tranquille. Oui, enfin, j'ai un truc à te dire, tu vois, parce que ces derniers temps, tu trouves que je suis bizarre. Ouais, grave. Tu m'as parlé de ton père, comme quoi il était un peu bizarre aussi avec moi. Ouais, grave. En fait, c'est parce que ton père et moi, j'ai couché avec ton père. Mais je t'explique, j'étais pas vraiment dans mon état normal, tu sais, le soir où je devais venir chez toi, et je t'ai dit, enfin... Le soir même, je t'ai dit que j'étais malade, je pouvais pas venir, enfin j'étais pas bien, tu t'en rappelles ou pas? Ouais, je m'en rappelle très bien. Oui, bah voilà, ce soir-là, c'était parce qu'en fait, j'étais avec ton père et... En fait, j'étais avec Clément, Brian Dubois, Brian Barras, avec tout ça, tu sais, et... On avait bu un coup, et... Enfin, j'étais pas dans mon état normal, et quand tu m'as appelé pour que j'aille chez... pour venir chez toi... Ouais. J'ai croisé ton père sur la route, il a voulu m'emmener, et ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais... Pas trop dans mon état normal, mais j'étais quand même lucide, tu vois. Ouais. J'ai eu des gestes déplacés, enfin... Ouais. Mais je suis désolée, bébé. Franchement, je suis désolée. Bébé. Bah, t'es désolée, mais ça s'est passé quand même, quoi. Il reste ouais, calme. Mais... Ouais, le problème, moi, enfin, je voulais pas, franchement, je voulais pas. C'est vraiment un bouffon. Ouais, mais comment t'as pu me faire ça? Mais bébé, j'étais pas dans mon état normal, enfin... J'avais bu. Mais je m'en fous, tu l'as fait. Demande à Clément, mon meilleur pote, franchement, demande-lui. C'était le premier au courant, j'étais tellement mal, j'en ai parlé. Ça veut dire que c'était le premier que j'ai baisé. Bah ouais, mais tu l'as fait, c'est tout. Je suis vraiment désolé. Ouais, bon, bah je sais pas, ça va, qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a pas louché une pendule, hein. C'est ça, c'est qu'un coup de bite. Hein? Ouais. Il a pas louché une pendule. Eva. Oui. Il va pas loucher une pendule, qu'est-ce qu'il dit? Non, bah il a... Il a bien pris ? Enfin, je sais pas vraiment, là. Aussi bien que toi ou pas ? Comment ? Ça, c'est drôle. Ah, si, il a bien pris, il l'a bien pris ou pas ? Non, je pense qu'il va être distant avec moi, enfin... C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est même sûr. C'est Michel ! C'est qui, Michel ? C'est Michel. Michel, attends, je prends le téléphone. Allô ? Ouais. C'est Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, est-ce que vous pourrez me repasser... Oh, j'aime bien qu'on vous voit, c'est la première fois. Ouais, bon, tu vas me la repasser, s'il te plaît. Oh, dis donc, tu vas rester calme, hein. Ouais, ça a pas duré, hein. Parce que ça m'ennuierait que je devienne agressif. Là, je suis très calme.

Mais non, mais non, mais non. Ah là, que de violence. Ah mais oui, que de violence, que de violence. Bon, Romain. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Mais oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Oh putain. Mais oui, c'est une blague, ah, Eva, ta gueule. Ah, Eva. Oui. Mais oui, allez, oh là là, tout de suite s'énerver comme ça, là. Ah, je comprends là. Pas tous ces gens qui s'énervent rapidement. Tu t'énerves rapidement, Romain. Oh là là. Ouais, mais non, mais non. Mais oui, mais non, mais elle va pas te faire ça, hein. Ah, elle est pas comme ça. C'est pas une grosse cochonne. Mais non, mais non, mais non, mais non. Oh là là. T'as quand... t'y as pas cru quand même, t'y as pas cru. Bah, je sais pas parce que. Mais non, mais non, arrête. Attends, t'y as pas cru. Bah non, parce qu'elle était tellement sérieuse. Mais vois, voilà, mais non, t'as pas cru, attends, et pas déconner non plus. Et vous avez gagné des autocollants. Bah, voilà. bien sûr. C'était le moment donc où ça s'était mal passé, où on a failli faire une catastrophe. Comme vous avez pu le remarquer, t'as vu Nelson. Tu vois, ça a failli faire une catastrophe. Ça l'a pas fait, mais ça a failli. Ouais, ça c'est vrai, j'avoue, t'as bien géré sur non, mais et, on a eu de la chatte parce que un petit peu avant, on avait fait un autre canular qu'on passera peut-être tout à l'heure aussi si on a le temps. Où on a eu le même principe, sauf que là c'était un mec qui voulait. C'est un mec qui voulait dire à un autre pote qui s'était tapé sa meuf. Oui. Et là aussi le mec il voulait le couper en morceaux. Hein. Couper en rondelles. Haché. Ah ouais, il y a Charles qui dit ah il va rester calme. Bah oui clairement. Il y a Florian calme, qui dit un coucou à Colline et Mélanie, à vous déchirer comme ça, merci beaucoup. Lola qui dit je vous kiffe, tous vous gérez à mort, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît, ça fait 2 mois que je vous écoute. Ah bah très bien, écoute avec plaisir Florian là, petit message pour toi. Attends voilà. Je te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Eh ben voilà, Yaku aussi, c'est des ouf. C'est la conique qui avait envoyé le message. Et Nathanaël qui dit pété de rire, il va rester calme. Tu m'aurais fait chier là, pété de rire, je me serais énervé. Ouais, non, mais franchement, moi aussi, Miguel. Je me serais énervé sur moi-même. Ouais, Nelson. Ouais, bah tu vois, moi je pouvais pas faire ça parce que moi je lui ai dit qu'il y avait un camion pompier qui allait arriver pour vérifier s'il avait bien mais le problème, alors Nelson, je vais te donner un conseil pour le canular, c'est qu'il faut pas faire un canular dans le délire psychodramatique. Mais oui, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est parce que c'est qu'au final, à quel moment tu t'es dit, tiens. Et allez, la chute va être drôle. À partir du moment où mais tu dis qu'il y a un hôtel qui est en train de cramer. On appelait, et puis on racontait un fin. Genre, je faisais comme ça, comme je le sentais, puis je me prenais des tôles. Quoi. Mais tu le sentais mal. Ah oui, là, tu l'as mal senti, ouais. Mais non, mais voilà, faut faire des canulars où tu sens qu'à la fin, tu vois, tu sais très bien ce que tu vas faire comme chute. Et puis, ben voilà, tu sais que ça va être drôle. Et même si le gars est énervé, à la limite, pourquoi pas. Mais là, dire que dans un hôtel, il y a le feu, il faut faire sortir tout le monde et que la camion de pompier va arriver. Non, j'ai pas dit qu'il y avait le feu, je dis que c'était un exercice incendie dans Paris, mais. Ouais, mais enfin voilà. Tu vois, moi je me prenais des tôles et là le mec, d'un coup je vois un mec qui tombe dedans, donc j'ai une lumière devant moi là, donc je fonce. Ben oui, mais là il faut pas trop foncer, regarde Toff, un nombre de fois où il s'est fait insulter le pauvre. Jamais. Ah ouais, mais Toff il a l'habitude. Ah oui, bah c'est sûr. Ouais, c'est un métier. Bah oui, bon bah Nelson, bah bonne chance pour la suite, tiens-moi au courant et puis fais attention. Hein. Bah t'inquiète, je te tiens au courant, je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, une personne, vas-y, profite-en. Alors, et surtout, choisis la bonne. Alors c'est ça, voilà, j'hésite entre deux. Ah, bon, allez, vas-y. Je me lance, est-ce que je peux balancer mon Twitter juste? Si tu veux, mais pas dédicace alors. Ah, c'est chaud. Ah ouais, faut choisir, hein. c'est un seul message, hein, ça. C'est... Alors, sachant que si je fais une dédicace, il y en a un des deux qui va être jaloux. Ah oui, et oui. Alors, je prends la décision de pas faire de dédicace sur Twitter. Eh bah, très bien. Eh bah, parfait. Alors, bah, vas-y. Venez me suivre sur Twitter. Alors, @NelsonVelati, NelsonVelati. Très bien, c'est pratique, voilà, c'est facile à écrire. Voilà, c'est facile à écrire, et puis bon, bah, je suivrai tous ceux qui viennent me suivre à partir de maintenant. Eh ben très bien, parfait Nelson. Salut à toi et bonne soirée, à bientôt. Eh ben, salut, bonne soirée tout le monde. Salut à toi, ciao. Salut, ciao. Nelson, bye. Retour avec Samia dans quelques minutes. Brian qui voulait réagir aussi par rapport à ce grand sujet de Toff ce soir. Donc qu'est-ce que vous êtes déjà mis dans l'arrière-train hein. Et on a eu l'occasion d'appeler des gens, on va encore en faire quelques-uns des appels. Hein. Mais quand tu veux. Bah maintenant. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on en appelle encore un maintenant. Bah Samia, tant que t'es là, tu restes avec nous. Bah bien sûr, très bien. Comme ton mec n'est toujours pas revenu, de toute façon t'as pas grand chose à faire. Je crois que je me suis pris un gros vent ce soir. Encore ? Quoi, il a toujours pas donné de nouvelles ? Non. Oh là là, pour ceux qui débarquent, on l'a eu Samia il y a quelques jours, elle était en chien sur un mec, un collègue, elle lui avait fait une proposition, elle l'attendait dans son lit avec des dentelles, tout ça, il est payé, il a dit ouais, je suis avec un pote, j'ai pas le temps. Finalement, elle l'a quand même vu, resto, elle se l'est quand même tapé, et là, elle aimerait bien une deuxième partie, en fait, hein, tout simplement. Et tu lui as envoyé un message. Elle aimerait bien l'extra ball, quoi. Ouais, c'est ça, tu lui as envoyé un message, il est pas venu, pour l'instant, du moins. Ouais, exactement. Bon, mais je vais pas l'attendre jusqu'à 3h du matin. Non, bah écoute, de toute façon, on est là jusqu'à 2h, donc déjà, hein, tu peux rester avec nous. Ouais, je reste avec vous. Voilà, mais ce sera déjà pas mal. Ça remontera le moral. Exactement. Bon, ben, en attendant, on fait encore un appel pour voir ce que vous vous êtes déjà inséré dans l'arrière-train, puisque c'est un sondage sur lequel nous sommes tombés, qui dit que 28% des Français, par exemple, ont déjà testé des fruits et légumes. Oui, c'est bien. Ouais. Bah oui, c'est toujours un bon moyen de les mettre au frais. Ah oui, bah, complètement. Légumes par jour, hein. Oui, exactement, oui, c'est pour la santé. C'est par jour, c'est pas dans le cul. Voilà, mais c'est pas au même endroit surtout. Bon, on y va, on appelle, c'est parti. En espérant qu'on ait plus de chance qu'au jeu du je t'emmerde tout à l'heure. Allez. Bah ça commence plutôt mal. Ah. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé des objets de la vie courante comme objets sexuels, comme sextoy. Écoutez, c'est assez original. Oui, c'est assez original. Souvent, de se mettre un concombre, c'est original, j'avoue. C'est vrai. Mais, comment dire? Oui. Vous êtes un imbécile ou vous êtes quelqu'un qui vous amusez? Vous cherchez à savoir quelque chose? Ben oui, je cherche à savoir ce que vous utilisez, vous, comme, comme objet de la vie courante, pour vous donner un peu de plaisir, quoi. Écoutez, monsieur, oui, lisez des livres, ouvrez-vous l'esprit, allez prendre l'air. Oui, mais essayez de voir autre chose. Et mais bonsoir. Allez, bam. Allez, bam, voilà. Vous êtes un imbécile. Celui-là, on va pouvoir en faire quelque chose. On le rappelle. Moi, je veux bien lui parler. Ah bah, attends. On va faire ça avec brio. Attends. Si jamais. Bouge pas, Samia, on sait jamais. Allô. Oui, je m'excuse, mais je ne vois pas le rapport, monsieur. À moins que vous vous introduisiez des livres, mais... Écoutez, déjà, auriez-vous le courage de me dire qui vous êtes? Oui, je m'appelle Toff, monsieur. Ah. C'est un surnom? Ah non, non, c'est mon nom. D'accord. Bah écoutez, comment vous dire ça? C'est pitoyable ce que vous faites. Oh, pitoyable, monsieur, c'est un grand mot quand même. C'est un peu fort. C'est un mot, pitoyable. Enfin, pitoyable mais pas digne de pitié. Et faites attention parce que si j'ai encore affaire à vous, je préviens la police et ça sera assez facile de vous retrouver. Oui, ce n'est pas très difficile de me retrouver, monsieur, mais je vois pas le rapport. Bah je le vois, moi. C'est qu'en fait, vous faites quelque chose d'illégal. Bah non, je vous appelle gentiment pour vous poser une question et c'est vous qui voulez pas y répondre. Mais qui me racontez des trucs de livres, enfin moi je comprends rien monsieur. Écoutez, vous pourriez être drôle dans un autre monde mais pas dans ce monde là. Allez, bonsoir. Allez dormir mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Là c'était quand même pas mal. Énorme. Et il garde son calme et surtout, et là il a quand même bien résumé, vous allez pouvoir être drôle dans un autre monde. Mais pas dans celui-là. Mais pas dans celui-là. Et ça je pense qu'il a directement bien cerné qui était Toff. Vous êtes un imbécile ou vous êtes un imbécile mon ami. Mon ami. Il y a Aphrodisia qui dit allez prendre l'air. Il y a quoi aussi Dédé qui dit faut être complètement taré de faire un canular en se faisant passer pour les pompiers, oui. C'est vrai, et Samia, une autre en l'occurrence, qui dit vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Le prince qui dit vous êtes un imbécile, allez prendre l'air, ouvrez des livres, j'adore. Ça c'est un véritable nouvel ami de Toff. Bah oui. Non, il était vraiment gentil. Tellement bon. Oui, et puis il m'a appelé mon ami. Et il t'a appelé mon ami. On aura Valentin dans quelques minutes avec nous, on donnera la réponse à la colle avec Mathieu. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus qu'une femme de 20 ans entre les seins? À vous de jouer. Bon, je vous laisse encore le temps du disque de Jason Derulo là maintenant pour envoyer vos réponses. Vous envoyez MIKL espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Allez, bonne nuit tout le monde, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est MIKL No Limit. Mettez le hashtag MIKL sur Twitter. Hein. On lit tous vos messages en direct, on revient après Jason Derulo maintenant. C'est Dirty Talk. I'm that flight that you get on. Et Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio, c'est Dirty Talk. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les polars. No Limit. Sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h du mat. Et on va parler également, puisque vous le savez, hein, bah, il est 1h du mat quasiment. C'est Halloween. Eh oui. Donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà fait des trucs à la con, style paranormal. Est-ce que vous avez déjà parlé aux esprits, etc., etc. Venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. C'est le numéro du standard depuis la Belgique si vous voulez nous joindre. Et vous pouvez aussi envoyer tous vos messages, bien entendu, sur le Twitter, notamment de l'émission, en mettant le hashtag MIKL. Voilà, vous mettez tous vos messages avec le hashtag MIKL. On va faire un top tweetos, un tour du côté du top tweetos dans quelques minutes. Et puis on parlera donc justement de paranormal, puisque c'est Halloween et c'est à ce moment-là là que les gens vont peut-être, je sais pas, décider de parler avec les l'au-delà. Hein, ah oui, bouh. Bah oui, qui a déjà parlé avec l'au-delà dans l'équipe? Personne. Non, moi j'ai déjà essayé de parler avec de l'eau tout court, mais ça n'a pas marché. Ça, surtout déjà que les gens ne l'aiment pas, alors tu t'imagines dans l'au-delà. T'imagines. Bon, il y a un message qui était. Il y a Romain qui dit salut toute l'équipe, je vous ai vu à la Paris Games Week, vous avez fait fort. Bah merci Romain. T'as vu, hein, j'ai quand même mis. Enfin, j'ai quand même pis. Tu n'as rien mis. Non, j'ai rien mis, mais j'ai quand même préservé mon but avec le champion du monde, avec Bruce, ouais. Le champion du monde. Donc FIFA, d'ailleurs, j'ai des livres à vous offrir. Hein. Ils sont sur le Facebook, pour aller faire un tour sur le Facebook. On fera des tirages au sort. J'en ai 5 à vous offrir, des livres pour devenir le champion du monde également à FIFA. Et donc Bruce, avec qui j'ai fait une partie et qui n'a mis que 4 buts et il en 3 minutes. Impressionnant le bouquin, parce que tu as des statistiques, tu as des trucs de ouf dedans. C'est un truc de malade. Voilà, donc je vous l'offre maintenant. Ouais. Allez-y, facebook.com/mikaelofficiel pour le gagner. Je vous en offre 5. Il y a Dorian qui dit je vous adore de fou, ça fait longtemps que je vous écoute, chaque fois je rigole comme une conne. Je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Oui Dorian, avec plaisir pour le message de bienvenue. Attends, je vais t'en mettre un là. Attends. Ah merde, attends une seconde. Toi fils de pute, donc tu es ta grand-mère. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis celui-là. Il y a Starks aussi qui dit aussi des trucs spéciaux même plutôt pour Halloween. Se caler des citrouilles. Oui, c'est une idée également. Et Amélie qui dit j'ai explosé de rire sur mon coussin quand Off a appelé le mec. Vous gérez à fond, je vous kiffe, ça fait 4 mois que je vous écoute et j'ai pas eu mon message de bienvenue. Est-ce que je peux l'avoir? Oui Amélie, en même temps on est là depuis 3 mois, donc je sais pas comment tu fais pour nous écouter depuis 4 mois. Tu me dégoûtes, est-ce que tu comprends? Tu me dégoûtes. Voilà, et l'abné blouté qui dit c'est pitoyable mais digne de pitié Toff. Oui, c'est vrai. Oui. Mais je pense qu'il a très bien résumé le monsieur quand on l'a eu là tout de suite au téléphone. Bon, on va se faire dans quelques minutes l'histoire paranormale. Hein. Si vous en avez des histoires, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On donne la réponse à la colle maintenant sur Fun Radio et on accueille donc à nouveau Mathieu de la Ciotat. Allô Mathieu. Allô Mathieu, donc tu nous avais appelé parce que tu avais une colle. On va donc appeler maintenant et bien quelqu'un qui s'est inscrit. Si il ou elle a la bonne réponse et qu'il décroche, il gagne et tu perds. Si il ne décroche pas ou qu'il a la mauvaise réponse, décroche, c'est toi qui perds. Bah, j'espère Mathieu, pour toi en tout cas. En même temps, à 1h du mat, t'as plus de chances qu'il ne décroche pas, effectivement. Allô? Oui, bonjour, oui. Comment tu t'appelles? Charles Gilbert. Salut Charles. Oh, Charles Gilbert. On va t'appeler Charles, hein, si ça te dérange pas. Hein. Non, pas du tout, j'étais en train de faire une petite partie de Call of. Ah, très bien. Et est-ce que t'as réussi à voir l'épée comme Sandro? L'épée comme Sandro, non, pas encore. Ah, c'est dommage. Putain, t'es pas loin dans le jeu alors. Ouais, t'es pas loin parce que Sandro, elle a déjà bien avancé. Hier, on était à la Paris Games Week là et elle a fait Call of Duty Ghost et elle a déjà déchiré tout le monde. Hein. Même les spécialistes sont restés sur le cul. Hein. Ah ouais, mais non, mais moi dans mon département, la connexion elle est pas super bonne. On a jamais des super résultats comme ça. Ah bah oui, c'est pour ça. Bon, Charles, peut-être la Wii Mini pour toi si tu arrives à répondre à la question de Mathieu. Mathieu, on t'écoute. Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans a de plus entre les seins qu'une femme de 20 ans? Encore, je trouve que 60 ans c'est méchant, j'aurais dit plutôt 80, mais je pense au nombril. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Ouais. Ouh. Excellent. Eh ben voilà, il y a Wii Mini pour toi. Eh Samia. Ouais. Bah t'avais la bonne réponse, mais c'est raté, hein. Ouais, bah tu pourrais m'offrir une Mini quand même. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Non, je peux t'offrir un coup de pelle. Voilà, ça juste. Elle veut pas la Wii Mini, hein, elle veut une Mini tout court. Ouais, la Mini voiture, bien sûr. Bah, ouais, tant qu'à faire, elle a raison. Bon, et ben Mathieu, malheureusement, c'est perdu. Tu retournes chez ta mère les mains vides, Mathieu. C'est pas grave. Ah, c'est rien. Tu repars comme avec un pack, on va t'enfiler un pack fun. Ouais, ça va, merci. Bon, allez, salut à toi, Mathieu, à bientôt. Et puis, bah, bravo, voilà. Charles, la Wii Mini, elle est pour toi. Hein. Bah c'est excellent, je vous remercie les gars, vous avez une émission trop bien et je suis bien content d'avoir participé. Bah tu m'étonnes. Et merci à Mathieu parce que sa lunette était marrante quand même. Bah écoute, c'est déjà ça. Sauf que l'autre il a attendu 2 heures dans le standard à répéter la colle, toi t'arrives, hop hop hop. Et allez, c'est parti, tu l'as pécho. Je suis fait emballer. Eh bah voilà, t'as raison. Bon bah salut à toi en tout cas. Salut à vous et je fais un gros bisou à tous ceux qui m'ont reconnu. Ça marche, salut, à bientôt. Salut, au revoir. Ciao Charles. Bon bah voilà, bonne chose de faite. On aura une autre Wii Mini à vous offrir. Et restez à l'écoute de Fun Radio, puisque dès la semaine prochaine et dès dimanche soir, il va y avoir du gros cadeau. J'en dis pas plus, mais faudra être là, dimanche soir. Soyez sur Fun Radio à partir de 20h. Bon, toi j'imagine, mais les autres, à partir de 20h sur Fun Radio et toute la semaine de 23h à 2h du mat. Bon, Samia. Oui. Est-ce que t'as déjà parlé aux esprits, Samia? J'y crois pas du tout parce que j'ai eu un moment de ma vie où ça allait pas. J'ai été voir un mec soi-disant qui pouvait me communiquer avec les esprits pour me désenvoûter ou je sais pas quoi. Et ça n'a pas marché du tout. C'est pas vrai, ça n'a pas marché du tout. Ouais, en plus il faisait des trucs trop bizarres, il me touchait la tête et puis il avait des espèces de secouements, il était là. C'est marrant parce que à sa place j'aurais pas touché ta tête moi. Ouais bah oui mais je commence à te connaître. Ah bah oui c'est ça. Non parce qu'en fait je parlais du spiritisme parce que je demande ça parce qu'en fait j'ai lu sur le net que John Lennon parlait à Paul McCartney. Paul McCartney qui explique qu'il demande souvent à John des conseils sur ce qu'il doit faire. Et donc voilà, ça me paraissait improbable. Donc je voulais savoir si vous aussi vous avez déjà eu tendance à parler aux esprits, aux morts, à essayer de faire des conversations avec les gens de l'au-delà. Bah moi je parle souvent avec moi-même mais ça n'a pas de rapport. Ouais bah non, effectivement, non, je te confirme. Non, si t'as un côté monstre. Ouais, un côté monstre, un petit peu, effectivement. Bon, et donc, Samy, à toi, jamais en l'occurrence. Très bien, on va prendre Mickaël dans quelques minutes, là, qui, lui, d'Orléans, a déjà fait du spiritisme. C'est ça, Mickaël? Non, pas du tout, mais bon, faut pas faire ça. C'est déconseillé. Bah, pourquoi tu le déconseilles si tu l'as jamais fait? Bah, parce que ça attire des mauvais esprits, en fait. Attends, en gros, je comprends rien, Mickaël. Calme-toi. Tout va bien, t'inquiète pas, on va pas partir tout de suite, je vais pas te raccrocher au nez. D'accord. Parle lentement, respire, tout va bien, nous sommes à la cour. Les esprits ne vont pas t'attaquer. Exact. Et en fait, en gros, ça attire sur d'autres portes dimensionnelles, en gros. Okay. Donc, bon, Mickaël, calme-toi. Ce que je vais faire, c'est qu'on va te donner un petit Valium. Repose-toi, respire un bon coup et on va te reprendre après, d'accord Mickaël? D'accord. Bon, bouge pas, reste à la cool, tout va bien, on a le temps, hein, ok? D'accord. Tranquille Mickaël, voilà, tout va bien, comme ça c'est parfait. On va d'abord, on va prendre Chloé également dans quelques minutes qui voulait aussi réagir par rapport aux esprits. Et puis Stéphanie qui voulait réagir à Samia, Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie. Tu voulais réagir à Samia, toi. Donc Samia qui nous a raconté la suite de son rencard avec son collègue. Et bah elle aurait voulu un petit peu plus qu'un seul rencard avec le collègue. Elle voulait savoir s'il y en avait d'autres qui étaient peut-être déjà sortis avec des collègues justement et voir un peu comment ça s'était terminé, comment ça s'était fait. D'ailleurs Stéphanie, combien de jours Non mais tu m'as déjà posé la question hier. Bah oui, on l'a déjà eu hier. Perd la mémoire. Mais oui, tu ne l'avais pas reconnu. C'est la vieillesse. C'est un coup de pelle d'ailleurs pour leur mettre droit. Bon. Un minimum. Du coup Stéphanie, alors c'est quoi ton conseil à Samy à toi? Non déjà j'ai une question à lui poser, elle est passée il y a 2-3 jours, c'est ça? Elle est quoi? Elle est passée à l'antenne il y a 3-4 jours. Oui, c'est ça, exact. Dimanche. Et elle avait un jeune homme Mehdi, je crois, qui devait passer chez elle une demi-heure, il est venu ou pas? Il est vrai. Non, je lui ai pas donné mon numéro. Petite joueuse. Pourquoi t'as eu peur? Non, j'avais envie de dormir, tout simplement. Ah, t'as vu? Et alors que si l'autre, il était venu, t'aurais pas eu envie de dormir? Oui, mais je vais pas non plus coucher avec un mec qui débarque chez moi que je connais pas. Hein. Eh ben, tu devrais, parfois non, mais c'est... Surtout que, si ça se trouve, c'était l'homme de ta vie. Et c'était un super bon coup. Tu sais pas. Bah peut-être, j'ai raté ça. Eh ben peut-être que tu l'as raté. Pourquoi tu voulais savoir ça toi Steph? Non, comme ça. Ah d'accord, pour ok, très savoir. Bien. Non mais pas de problème, voilà. Parce donc comme ça tu bien. Sais, ta curiosité est assouvie Stéphanie. Voilà, tout à fait. Avec plaisir. Encore une autre question Steph? Non. En fait moi je voulais réagir par rapport à ça. Moi j'ai déjà couché avec quelqu'un qui travaillait avec moi. Ouais. Parce que c'était mon chef déjà. Hein. D'accord. Et le truc c'est que je conseille pas du tout parce que en fait quand tu te sépares, entre guillemets, tu sais pas, parce que c'est pas une vraie séparation puisque t'es pas ensemble, mais que t'arrêtes de coucher avec la personne, en fait, et ben, tu te sépares pas vraiment en bon terme, et du coup, ça fout la merde. Ah, mais de toute façon, ouais, se taper un collègue ou une collègue, ou même pire, le patron ou la patronne, ça fout toujours la merde. Hein. Au début, c'est sympa, mais une fois que c'est terminé, parce que ça finira un jour ou l'autre par se casser la gueule, ou alors, tu sais, genre, tu sors avec ton patron, au moment où le patron, il vient de faire une remarque, il va te la faire, il va donc t'engueuler, te dénigrer, du coup, ça va être la guerre. Bref, de toute façon, ça, c'est voué à l'échec. Mais de toute façon, ça se passe bien. Mais non, Samia, oui, ça se passe bien au début parce que c'est rigolo, parce que c'est nouveau, parce que c'est joli, parce que tout ce que tu veux. Mais à un moment ou à un autre, quand t'es collègue à la limite, pourquoi pas. Mais quand il y a, quand c'est ton patron ou un supérieur, mélange. De quoi, Samia? Non, c'est pas mon patron, non. Non, c'est un collègue. Mais enfin, on sait jamais qu'ils prennent du grade. Non, mais patron ou collègue, de toute façon, c'est. Moi, je pars du principe qu'il faut pas mélanger tout ce qui est travail et vie privée. C'est vrai, no job in job. C'est un très bon choix. Eh ouais, nos abin job. Mais voilà, après Samia, tu fais comme tu veux, hein. Mais en l'occurrence, on sera pas collègues encore longtemps. Chez nous, on change d'hôpital, tout ça. Bon, bah alors, bah écoute, oh, alors. Bah, si c'est comme ça, vas-y, fonce. Hein. Mais ouais, mais le problème, je sais pas si t'as remarqué, non, mais attends, Stéphanie, j'ai envoyé... Samia. Quoi? Ah, voilà, mais parce qu'il faut que je parle plus fort parce qu'on a un problème avec le standard. C'est-à-dire que quand on parle, les gens ne nous entendent pas. Ou très faiblement. Donc, du coup, forcément, tout le monde parle en même temps. Non, je disais, le problème, c'est Stéphanie. Oui. C'est que, visiblement, lui n'a pas spécialement plus envie d'elle que ça. Parce que pour la première fois, dire, ouais, mais non, mais en fait, je viendrai bien. Alors que la meuf, elle dit, oui, je suis en dentelle dans mon lit, je t'attends. Ouais, mais je suis avec un pote, j'ai pas le temps. C'est que le mec, soit il est complètement con, soit il a pas envie, tu vois. Soit il est gay. J'ai écouté dimanche soir justement quand elle est passée et mais franchement le mec il te dit ça, je suis désolée, c'est soit il est pédé, soit il a une meuf dans sa vie, soit tu l'intéresses soit pas les du deux. Tout quoi. Oui, soit les deux. Soit les trois. Je me suis tapé, il m'a invité au resto et tout. Oui, mais peut-être que le lendemain il avait le temps, mais si aujourd'hui il était toujours intéressé par toi et qu'il avait eu la même chose que toi, il avait envie de te revoir, quand tu le réinvites aujourd'hui, bah il devrait répondre. Non, puis je suis désolée, un mec, tu lui dis pas de dentelle. Ah oui, un mec normalement constitué, s'il est célibataire, tu dis une meuf qui est mignonne, en tout cas qui a l'air bien roulée comme toi, Samia, qui dit je suis en dentelle, je t'attends, je suis dans mon lit, etc., j'attends que t'arrives. Je suis désolée, pote ou pas pote, à la baraque, il le vire et il vient chez toi, quoi. Ah bah oui. C'est vrai. Bon, vous avez raison. Mais bien sûr qu'on a raison. Mais on a toujours raison. Oui, incline-toi, Samia. Oui, tu as bien parlé, Samia. C'est une bonne idée. Incline-toi. Tu te l'es tapé quand, le mec, là? Lundi. Ouais, donc en fait, lundi, il avait rien à faire. Il avait besoin d'un boucherou, donc voilà, quoi. Non, il avait besoin d'un trou à boucher. Ah non, on était ensemble. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, dimanche soir, il avait son pote, tu l'intéressais pas, alors que tu lui dis que t'es en dentelle, machin et tout. Le lundi, il a rien à faire. Bon, bah voilà, viens. Là, ce soir, apparemment, il avait un truc de prévu, donc t'existes pas. Voilà. C'est possible. Alors que si demain, tu vas voir, il aura rien de prévu, et hop, il va débarquer. Mais c'est ça. Eh ouais, en toute simplicité, tout simplement. Bah, tu nous tiendras au courant. Ah oui, un connard comme toi, enfin vrai. Bon, Samia, tu nous tiendras au courant, hein. Bah, bien sûr, y'a bon, pas de problème. Bah, je compte sur toi, Samia. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, bonne Salut, nuit. Salut Samia, ciao à toi. Ciao. Et Stéphanie, gros bisous aussi. Merci d'être passé encore une fois. Mais je vous en prie, à bientôt. Salut, à bientôt Stéphanie. Ciao, bye. Bon, on va parler des esprits dans quelques minutes. On aura Johan, on aura Chloé, on aura Étienne. Il y a Mickaël également là. Vous êtes là tout le monde? Oui. Très bien, nous allons parler esprit. Qui a déjà pratiqué le spiritisme? Et ne répondez pas tous en même temps. Ouais, parce que là, on n'a pas des bouchons. Non, mais Mickaël, je sais bien, mais tu sais, tu n'es pas le seul. Il y a Johan, il y a Chloé, il y a Étienne. Non, moi, c'est ma mère. Ah, ta mère et toi, Chloé? Non. Et toi, Johan? Non. D'accord, ok, très bien. Bah, ouais, il suffisait de dire non, toute simplicité. Bon, ne bougez pas de là, nous allons revenir avec vous dans quelques minutes sur Fun Radio. On va encore faire d'autres appels aussi avec Toff. Et puis, on va s'écouter le son maintenant, comme promis, d'Ellie Goulding. Maintenant, sur Fun Radio avec Burn. Il est 1h05 du mat. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h. On fera un tour du côté du Top Twitter juste après Ellie Goulding sur Fun Radio. Bonne nuit, tout le monde. Le son d'Ellie Goulding sur Fun Radio avec Burn. Il y a Cyril qui dit j'ai des rêves prémonitoires moi. Ah oui, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Enfin, pas des rêves prémonitoires, mais truc, tu sais, le déjà vu. Le déjà vu, ah oui. Ouais, le déjà vu. Le fameux déjà vu. Le fameux déjà vu. Il y a Alex qui dit aussi mon grand-père est mort et depuis j'essaye de le chercher, mais je sais. Attends, c'est quoi? Même si je sais qu'il est mort et la nuit je rêve de lui tout le temps. Ouais, mais ça après c'est parce que bah c'est pas normal, tu vois, ça n'a rien à voir avec le spiritisme ou quoi que ce soit. C'est parce que tu penses souvent à lui et puis bah la nuit t'en rêves. Il y a Amel qui dit ma soeur parle avec une fille et un jour elle dit la fille est dans la pièce, montre que tu es là, et le fauteuil s'est mis à bouger, je te jure c'est pas une blague, et moi qui vois une fille je commence à flipper maintenant. Bah oui, m'étonne. Il y a Clem aussi qui dit je vais avoir peur moi avec ce sujet là, toute seule dans mon lit là, merde. Oh mais Clem, t'inquiète, si tu veux je t'envoie Polo, il va venir te sauver dans ton lit pour que tu n'aies pas peur, il n'y a pas de problème Clem. Hein, un Polo avec grand plaisir j'imagine. Avec la petite tendresse. Avec la petite tendresse, c'est très bien. Il y a message de Ludo qui dit je veux bien le livre FIFA 14. Bah il faut jouer, allez faire un like sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel, vous balancez tous vos messages. Il y a Chloé aussi qui est trop contente de vous entendre, vous me remontez le moral, vous êtes super, un message de bienvenue Chloé. Bah écoute, si tu veux Chloé, avec plaisir. Attends, je t'en mets un petit là. Mais putain, va te faire enculer. enculé la fille de putain. Eh ben voilà, et il y a Peggy qui dit moi je connais quelqu'un qui s'est enfourné un poireau dans le cul et une courgette. Oui, c'est le sujet tout à l'heure, on est peut-être oublié de faire le message. Et puis message de Fabienne qui dit séance de spiritisme qui dégénère, c'est l'horreur. Bah viens nous en parler pour voir un peu ce qui s'est passé justement. Xtra qui dit Mickaël, je parle à Toff, moi ça compte au niveau de l'au-delà. Hein. Je peux avoir un message de bienvenue aussi, bien sûr Xtra, je t'en mets un petit là, attends hop là. C'est là où là t'es là. Ah merde, pardon, je me suis gouré. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Voilà, est-ce que tu comprends? Et Fabienne qui dit Clem, pas de soucis, tu n'es pas toute seule. Bah si, là a priori, il est un peu toute seule. Elle est un peu toute seule, la pauvre. Et Dead Walking qui dit moi je rêve d'un truc et des fois le lendemain ça se passe. Bah ça s'appelle un peu la chance aussi a priori. Hein. Tu peux arrêter avec cette musique derrière, ça fait flipper. Je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai mis aucune musique. Vous entendez une musique vous? Non. Toff? Non, je n'entends rien. Bah à mon avis, ça doit être chez toi, tu sais. Il doit y avoir un problème à mon avis maintenant. Et Johan qui dit putain, ce sujet il fait flipper la merde. Je suis tout seul dans le noir, en plus mort de rire. Ah oh, ouais. Allez, bon courage, hein. Parce qu'à mon avis, tu risques de flipper un petit peu. Ouais. Bon, on va prendre. Alors Mickaël, on va d'abord attendre qu'il se calme un petit peu. On va prendre Étienne qui est avec nous. Bonsoir Étienne. Salut à tous. Comment ça Salut. Va Ça va bien et vous? Bah écoute, très très bien Étienne. Bon, sois le bienvenu. Vous irez peut-être moins bien après ma petite histoire. Ah bah très bien, comme c'est Halloween maintenant. Oui. Alors, quelle est ton histoire? Alors donc l'histoire c'est ma mère. Ma oui. mère a voulu faire tourner les tables quand elle était jeune, elle avait genre 18-20 ans. Donc voilà, donc elle était en colonie avec des copines dans la campagne. Ouais. Et en fait, elles ont trouvé une vieille maison délabrée, inhabitée, donc le top pour se faire flipper, quoi. Mmh. Donc il y avait une table au milieu et donc l'ambiance était bien glauque. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, la table, elle s'est soulevée et en fait, elle s'est dirigée vers ma mère. Donc faut savoir que ma mère, elle est pas folle et qu'elle a jamais cru à ce genre de truc. Donc la table elle s'est dirigée à fond sur elle quoi et du coup elles sont barrées en flippant quoi, c'était un truc de fou. Ah putain mais c'est quoi ce truc? Il s'est passé quoi en absolu? Bah c'est que la table elle s'est soulevée si tu veux, elle s'est mise à bouger grave et qu'elle s'est mise à s'agiter quoi, à trembler. Mais, mais on ne sait pas ce qui s'est passé? Eh ben ma mère est encore en vie donc. Non mais tant mieux mais. Mais apparemment elle a entendu des voix pendant plusieurs mois après et voilà. C'est sympa ça dis donc. Ouais très c'est sympa. Et c'est le seul truc qui s'est passé un peu chelou chez toi? Ah bah c'est le pire en tout cas. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est. Moi il m'est arrivé un truc chelou tout à l'heure. Je suis monté dans l'escalier, je suis arrivé dans le bureau, j'ai ouvert et puis là j'ai vu un truc horrible. Et bah c'était la gueule de Toff. Ouais ça peut faire peur aussi hein, c'est vrai. Non mais c'est vrai, il a raison. Ah mais j'ai flippé, j'en suis encore tout retourné là. Tu m'étonnes. Oh, je tremble, mon pauvre chéri. Regardez ma main qui tremble. Il y a Fabienne qui dit séance de spiritisme qui dégénère aussi, ça peut être dur ça. Je vous ai mis une petite photo drôle d'Halloween avec des citrouilles. Happy Halloween bien évidemment à tout le monde. Allez voir sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Étienne reste avec nous. Il y a également Chloé avec nous dans Danger. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Comment ça va? Bah bien, et toi? Bon, très bien, Chloé, jusqu'ici tout va bien. Chloé, nous allons parler encore une fois de spiritisme. C'est quoi ton histoire? Non, c'était pas de spiritisme. C'est de quoi? Ah. Bah en fait, c'est arrivé il y a quelques jours justement. J'étais allée chez ma cousine qui habite en forêt. D'accord, dans une forêt, très bien. Oui, mais c'est pas une forêt isolée. Hein. Ah d'accord, ok, mais genre c'est une forêt, c'est-à-dire? Bah c'est la forêt Fouesnant. Ouais. Ah bah oui, une très belle forêt. Mais oui, justement, on en parlait. Il y a des arbres là dans cette forêt, non? Oui, tout à fait. C'est ça. C'est le. Non, il y a absolument pas d'arbres. C'est une forêt toute plate. Bon. Ah, donc c'est une forêt sans arbres. Mais je rigole, c'est une forêt normale. Alors, ah, oui. Attends, permettez, je cherche la définition de forêt. Alors, forêt. Mais c'est une forêt sans arbres. Mais alors, il y a quoi dans la forêt? Non, mais je rigole. Il y avait des arbres. Ah, d'accord. Ah, ok. Ouais. Non, mais ça va. Me voilà rassuré. Bah oui, justement. Oui, c'est justement ce qu'on se disait. Bon, alors très bien. Alors. Alors. Raconte-nous tout. En fait. Oui. Ah, t'as été enlevé par l'esprit. Oui. C'est les extraterrestres. Parce qu'en fait, nos parents. Chloé, on t'a perdu. Ah, on t'a perdu. Là, on a pas entendu ce que tu nous disais. Toi, Chloé. Bah donc du coup, bah nos parents étaient partis à la piscine et bah mon oncle il était en tournoi, bon bref, donc il y avait personne. Ouais. Et bah en fait on était à l'étage, à un moment on a entendu du bruit, alors bah je suis allée voir et ouais. Les volets étaient fermés. D'accord. Donc on s'est dit, bah vu que c'est des volets électriques, on s'est dit que c'était un truc qui buguait et tout. Un pigeon. Mais on a. Hein? C'est pas un pigeon? Ouais, qui aurait un fait pigeon. Bouger. Un pigeon? Oui un pigeon, ça aurait pu être un pigeon. Bon, c'était pas ça, mais... Bah oui, dans la forêt, il y a des pigeons. Bah oui. Oui, oui, c'est vrai, oui. Bah oui, ça aurait pu même être mais une marmotte. Mais on peut les ouvrir que de l'intérieur. Ouais, et donc, vas-y, vas-y, continue, ouais. Et donc, bah, on était en haut, et puis, bah, on a entendu les volets s'ouvrir, fermer plusieurs fois. Ouais. Et bah, à un moment, enfin, vu qu'elle était morte détruite, bah, j'ai réussi à la convaincre de descendre pour voir ce qui se passait. Mmh. Et elle a remarqué que les chaussures avaient bougé de place. Donc non, on est remonté. Toute seule comme ça. Mais oui, parce que enfin on les avait posées en brasse. Est-ce que c'était pas une petite souris qui est sortie de la forêt qui a remonté les chaussures? C'est vrai. Là, ça fait un peu bizarre en hiver. Enfin, on n'est pas en hiver, mais et puis en fait, on les avait posées en vrac quand on était rentré. Et puis là, elles étaient bien alignées en bas de l'escalier. Ouais. Elle avait c'est ta daronne en partant, elle les a remis droite. Peut-être. Ouais. Oh bah non, on est remonté direct. Hein. On s'est enfermé dans la chambre, elle voulait même partir par la fenêtre. Bon. Et puis, bah, en fait, mon portable était resté sur l'ordi qui était juste derrière, enfin qui était dehors, enfin pas dehors, mais à côté de des escaliers. Ouais. En haut. Et bah, j'ai essayé d'aller chercher. Et je suis obligée de passer à côté de l'escalier, et là, les chaussures étaient en haut. D'accord. J'ai vraiment flippé. Enfin, je suis direct rentrée dans la chambre. On a fermé à clé et tout. On a ouvert la fenêtre et enfin, on était sur le lit en train de trembler toutes les deux. Et on est resté comme ça au moins 15 minutes. On entendait des pas et tout. Et en fait, après, ben, on a entendu nos parents rentrer. Donc on est sorti en hurlant et tout. Et en fait, c'était mon oncle qui avait perdu son tournoi. Et du coup, bah, qui était rentré par la fenêtre des toilettes ou quelque chose comme ça, j'ai pas trop compris. Et C'est bizarre chez toi, hein. Mais oui, mais non, c'est pas chez moi, c'est chez ma cousine. Et en fait, il nous avait fait croire, enfin, il avait bougé les chaussures et tout. Ah l'enfant, et ouais, ça vraiment, se fait pas. Mais oui, ça se fait pas. Moi, j'ai si. Et tout. Il a cru que c'était Halloween quelques jours en avant. Et du coup, tu t'es pissé dessus. Hein non, c'est pas quand même. Mais du coup, en fait, depuis, j'ai tout le temps peur le soir quand... Parce que là, en fait, je suis chez mes grands-parents. Et quand je dois partir me coucher, vu que je suis en haut et qu'il n'y a plus de lumière, j'ai tout le temps peur en ce moment. Voilà. Ouais, mais tu as peur des petits craquements également. Ça, c'est le pire, c'est quand t'es dans une maison, tu sais, où t'as des craquements partout. Bah oui, en partout. Plus, c'est une vieille maison. Mais ouais, tu sais, t'as le toit qui craque, t'as le. Parce que t'as du bois un petit peu partout dans la charpente. Ça travaille. Dans la charpente, dans le parquet. Et tu sais, t'as tous les bruits qui bougent. C'est une horreur. Enfin, les bruits bougent pas, mais le bois qui bouge. Non, mais tu vois, c'est. C'est ça. En plus, avec la musique derrière, là. Quelle musique? Y'a pas de musique? De quoi tu parles? Non, vraiment. Toi aussi, tu entends de musique? C'est la deuxième personne qui dit ça. Une petite musique derrière. C'est la deuxième personne qui dit ça. C'est étrange. Étonnant, effectivement, comme tu le dis. Est-ce que tu entends quelque chose, toi, Étienne? Oui, oui, oui, une petite musique, là. Tiens, c'est marrant. Une petite musique bien effrayante qui me rappelle bizarrement un film. Moi, je n'entends rien du tout. Ça doit être quelque chose chez vous, à mon avis. Ça doit être chez celui qui soigne les oreilles, je sais. Peut-être, il faudrait voir, je ne sais pas. Il y a Emmanuel qui dit presque tous les acteurs de l'Exorciste sont morts bizarrement après les tournages. Ah oui, il y a Ivan aussi qui dit j'ai monté le son à fond pour bien avoir peur. L'autre il est en complètement plus, paranoïde. Aujourd'hui il y avait un reportage à la télé, il y avait un reportage sur un gars qui voyait des formes, des choses bizarres. Enfin, non. Si c'était surtout différent ou quelque chose sur la 11 je crois. Ah d'accord, ok. Étonnant, étonnant. Il y a Dale Walking qui dit j'ai ouvert la porte et j'ai vu la tête de Toff et j'ai flippé, mort de rire. Laurine qui dit j'adore la musique derrière et la voix c'est inquiétante de Mickaël. La voix inquiétante de Mickaël. Alors la voix oui, mais la musique je ne vois pas de quoi tu parles. Alex qui dit vous me faites flipper avec vos putains d'histoires. Et Coulin qui dit un message de bienvenue pour moi. Je vous écoute depuis. Attends, c'est quoi? Depuis avant-bière. Mais je suis déjà fan. Je suppose que tu as voulu dire avant-hier et ton côté alcoolo est monté par-dessus, bien entendu. Hein. Avant-bière. Il n'y a pas de problème. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Et je vous ai mis une petite photo à l'instant que je me suis que j'ai prise en direct dans les studios. Là, il y a 30 secondes. Une photo. Happy Halloween. Oui. Vous pouvez les voir sur l'Instagram, sur le Facebook et le Twitter de l'émission. On vous en mettra d'autres dans quelques minutes avec Toff, avec Polo, avec Sandro également. Allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Nassim aussi qui dit Mikaël, tu pourras venir à Longwy, comme ça je foutrai des coups de pelle à Toff. Mais oui. Ah, c'est une bonne idée, tiens, ça me donne tout de suite envie de venir jusqu'à Longwy. Tiens, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, on va prendre Johan aussi dans quelques minutes. Là, t'es là, Johan? Oui. Est-ce que tu entends de musique, toi, Johan? Est-ce que tu entends de musique derrière, toi? Oui. Bah c'est marrant, moi je n'entends rien. C'est bizarre. Oui, je n'entends rien du tout. Non, mais t'as des problèmes d'audition. Bah écoute, non, même Toff et Polo, on n'entend rien non plus. Non. Non, y a rien. C'est très bizarre. Absolument rien. Oui, bon, Johan. Peut-être Johan. Les auditeurs qui l'entendent. Bah peut-être, Chloé, je ne sais pas. Peut-être que tu as mis le doigt dessus, je ne sais pas. Johan, qui est avec nous, donc de Loire-Atlantique, quelle est ton histoire, Johan? Bah des fois, moi je vois des espèces de petits nuages troubles ou trucs comme ça bizarres qui passent. Mais c'est parce que tu dois aller voir un ophtalmo. Oui, ou arrêter la drogue. Oui. Autrement, j'entends des bruits bizarres chelous que les autres n'entendent pas. Ah, donc, c'est-à-dire. Donc c'est normal que tu entends de la musique alors. Oui, oui, ça, bah déjà, oui. Tu dois avoir un mec pour les oreilles. Ouais, mais qu'est-ce que tu entends des bruits bizarres chelous que les autres n'entendent pas? Bah, je sais pas, des espèces de souffles. Des espèces de souffles? C'est des acouphènes. Ouais, parce que si t'entends un sifflement, c'est des acouphènes, hein, c'est un problème par contre, hein, y a pas de solution. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Bon, bah déjà, t'es sauvé à ce niveau-là, hein. Moi, t'es sûr que c'est pas ça. Mais c'est quoi? Parce que des souffles, ça veut rien dire. Ça veut quoi? Des respirations? T'entends. Ouais, dans le genre, des bruits bizarres, des. Mais je pense que j'ai la solution à ton problème, Johan. Nous allons t'exorciser en direct. Non, tu es possédé. Ah oui, c'est ce que je dis. Voilà. Coup de pelle. lance-flamme direct. Je ne suis pas certain que ça puisse aider le problème, mais est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un ou pas, Johan? Non. Non, jamais, personne? Non. De honte? Non. Autrement, j'ai une petite histoire, quand j'étais plus petit. Ouais, enfin, tu n'es pas très très grand dans l'absolu, hein. Mais c'était il y a combien de temps? Je sais pas, j'avais peut-être 8 ans, peut-être. 8 et 8 ans, c'est 16. Hein, c'est ça, c'est 8 et 8 ans. J'ai encore avoir du mal avec Johan. Je pense qu'il est possédé depuis le début, je le dis. Ouais, mais oui. Johan, il a un esprit qui l'habite. Il va se vénère d'un coup, il va te mettre une basse. Oui, exactement, ouais. Quelle est ton histoire? Non, c'est qu'en fait, quand j'étais plus petit, oui. j'avais peur de Mickey. T'avais peur de qui? Mickey. Ah ouais, mais c'est l'enculé, lui, hein. Attends, mais c'est normal que t'aies eu peur de lui. T'as vu à quoi il ressemble? Oui. Bah oui. Non, parce que Mickey est plus beau. C'est vrai. Ah oui, quand même. Et t'avais peur de lui? Oui, mais bon, dans n'importe quel film, à un moment ou un autre, t'as eu peur. Oui, non, c'est qu'en fait, j'arrêtais pas de faire des cauchemars. Non, j'entends rien parce que tu parles tellement bas et en plus tu parles tellement loin de ton téléphone que on a du mal à comprendre. Alors, déjà moi avec le casque assez fort, j'entends rien. Alors le mec qui est dans son camion par exemple, il doit galérer. J'arrêtais pas de faire des cauchemars. Ouais. Et à un moment, j'étais tellement concentré sur son image qu'à un moment, la nuit, je me suis réveillée, j'ai regardé à côté de moi et j'avais son image. Enfin, je le voyais quoi. Et j'ai crié. Enfin, j'ai flippé. Merde. Il est pas méchant, E.T. en plus. Mais non, ouais, il veut juste rentrer à la maison. C'est parce que tu le connais pas. Oui, ça doit être ça, oui, c'est parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais absolument pas, effectivement. Au côté obscur. Attends, il y a Elise aussi qui dit: sérieux, arrêtez-moi, je flippe là. En plus, il y a mon chat, il fait des bruits bizarres. Il est possédé. Est-ce qu'il fait ce genre de bruit là? Il y a un truc qui m'a fini. J'ai regardé la tête de Toff et il avait la même tête. Il avait la même tête? Merde! Mon Dieu! Putain, l'angoisse totale! Il y a Auriel aussi qui a envoyé un message sur le Facebook qui dit: arrêtez la musique, elle est trop flippante, la musique qui. Et ce qui vient de te mettre, Johan, et il ne faut pas rigoler de ça, je suis bien placé pour dire ça car je vois des esprits, mais ne dites rien s'il vous plaît, je ne veux pas avoir la honte au collège et je les ai assez bien justement, j'ai fait mourir à cause de ça à 3 ans. J'ai failli mourir! Ou Oriane, toi il faut que tu nous appelles, je crois qu'il faut qu'on parle. Arrêtez, je flippe grave avec vos histoires, le mec qui entend des souffles, la musique et tout, mais il n'y a pas de musique. Et l'autre, c'est Bifrix qui dit aussi: mais laissez mon Toff d'amour tranquille, il est super beau. Non, merci. Ouais, non, oui, mais c'est pas tant bien qu'on parle des esprits. Hein. Et Franck aussi qui dit: tu me fais flipper avec ta musique, je ne vois pas de quoi tu parles non plus. Bon, continuez à nous dire si vous avez déjà tenté des trucs un peu particuliers, spiritisme, etc. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On aura Romain, Mickaël le retour et Thomas dans quelques minutes. Johan, tu voulais ajouter encore un truc? Je peux voir mon message de bienvenue, je vous écoute depuis le début. C'est pas vrai. Attends, je vais t'en mettre un bien, tiens. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Non, je l'ai déjà mis plusieurs fois, attends, je vais t'en mettre un autre, parce que quand même. T'as compris, fils de pute. Et voilà. Comme ça, tu l'as eu. D'avoir un pack fun. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème. Okay, salut, merci. Salut, oui. Johan. Gros bisous, Chloé. Je peux faire une dédicace? Vas-y, il y a une seule personne. Ma cousine alors, qui a flippé avec moi. Et le message est passé, il n'y a pas de problème Chloé, je te fais des gros bisous. Mais sinon, il y a quoi dans le pack fun? Il y a des monstres. Encore c'est des énorme. Monstres. Des gnomes. Et des gnomes. Mais encore. Et encore des gnomes et des fantômes. En fait, ça porte la poisse. Quand tu reçois un pack fun et dès que tu l'ouvres, ta maison est hantée. des monstres s'installent, des esprits s'installent, tout s'installe. Oh, bah, je vais déménager. Ben, voilà. Elle est hantée, un peu en forme de thé. Non, non, tout mais c'est important. Ouais, c'est drôle ça. Non, ça, c'est pas drôle, une vanne. Ça mérite un coup de pelle ça. C'était pas une vanne. Ouais, ouais. Bon, Chloé, je te fais des bisous. Ok. À bientôt, Chloé. Et Étienne, bah, tu reviens quand tu veux aussi. Merci pour les histoires. Salut à tous. Salut Étienne. Mickaël, ça va mieux? Tu t'es un peu calmé ou tu vas toujours prendre en speed? Je me suis calmé. Oui, bah ça n'a pas l'air. Bon, Mickaël, c'est évident. Reste avec nous, on va encore faire quelques appels avec Toff également. Pas oublier ça, oh là là, qu'est-ce que vous êtes déjà inséré, hein? C'est pas parce qu'on parle de spiritisme qu'on doit en faire une spéciale évidemment non plus, hein. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes déjà inséré? On va en parler dans quelques minutes puisqu'apparemment les Français, 28%, ont déjà testé les fruits et légumes. Oui. Eh ben, on va continuer à faire un tour à ce niveau-là dans quelques minutes et allez voir également ma magnifique photo. Happy Halloween, que je vous ai mise sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous me trouvez beau comme ça avec cette, avec ce nouveau visage. T'as fait déjà été voir ou pas? Oui, moi je t'ai trouvé magnifique. Beau, magnifique, vraiment. Très beau. Très bien. Eh ben écoute, avec plaisir. Merci pour ce petit compliment. Continuez à aller voir facebook.com/mikl officiel. Sur le Twitter et sur l'Instagram également, venez nous suivre. Hein. Vous tapez mikl_officiel. Et puis on s'écoute le son de Hardwell maintenant sur Fun Radio. DJ Fun avec Jumper. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Il est 1h26 et encore une fois, Happy Halloween. Le son d'Hardwell sur Fun Radio, c'était Jumper. Bienvenue si vous venez de débarquer. Il y aura Selena Gomez dans quelques minutes. Il est 1h30 là et ma photo a beaucoup de succès apparemment sur Facebook. Ah ouais, c'est pas mal. Facebook.com/mikl officiel. Allez voir, je l'ai même mise en photo de profil tellement je me trouve beau. C'est mes dents. On voit que j'étais chez le dentiste il y a pas longtemps. Hein. Donc on l'a bien travaillé à ce niveau-là. Là, surtout sur la gauche. Ah, les dents me vont bien et je me trouvais tellement beau que je me suis crevé un œil. Non mais c'est vrai, à un moment il fallait le faire. C'est vrai, c'était dur pour tout le monde et voilà, ouais, maintenant on est à égalité. Voilà, on m'avait fait trop de compliments et donc je me suis dit, eh bien je vais me crever un œil et je trouve que ça me va à ravir. C'est parfait. Ouais, je trouve vachement mieux. Ouais. J'arrive vachement plus au niveau de Toff. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y avait un trop grand écart, alors du coup je me suis crevé l'œil. Tu es beaucoup plus beau. Oui, mais même avec l'œil crevé. Bah évidemment. Ah, bah, évidemment. Je te remercie. Il y a Florian qui dit je ne vois pas ce qui change de ta tête d'habitude. Bah t'as vu Florian, pourtant j'ai fait des efforts. Quand je mange un cassoulet le soir, la nuit j'entends des bruits bizarres dans mon lit également, mort de rire. Il y a Alexis qui dit éteins ta musique de merde, je me chie dessus. Mais je vois pas de quoi tu parles Alexis là. Et Calypso qui dit je déteste cette musique derrière. Quand je fais des cauchemars, je vois Toff dedans. Et Florian qui dit la tête de l'habitude, je l'avais déjà lu. Et LBFEN manque de Toff, très pratique comme pseudo ça. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je peux passer dans le standard, c'est Nanou. Eh ben écoute, appelle-nous tout simplement hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Avant de reparler du spiritisme avec Mickaël, avec Romain, avec Fabrice, avec Thomas également, nous allons rappeler évidemment des personnes avec Toff hein, pour voir s'ils ont déjà eu l'occasion peut-être de s'insérer des trucs un peu particuliers dans l'anus. Mais oui, allons voir. Puisque 28% des Français ont déjà testé avec des fruits et légumes. On y va l'appel ? Allons-y. Allez, c'est parti. Et on continuera juste après à parler spiritisme. Si vous avez déjà testé spiritisme, appelez-nous, n'hésitez pas. Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé des objets de la vie courante comme sextoy. Non, non, mais vous téléphonez tard, là, hein ? Oui. Oui, non, merci, ça ne nous intéresse pas, hein ? Oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Oui, ben peut-être. Ah, oui, bah peut-être. Bon, on va le rappeler. Ça ne répond pas. Non, ça ne répond pas, effectivement. On le rappelle. 1h31 tard. Tu t'es exagéré. Oui. Oui, je m'excuse, mais vous avez raccroché un peu vite. Vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Non, mais j'ai pas envie de répondre à votre question. Bah pourquoi, monsieur? C'est pas gentil. Mais ça m'intéresse pas. Mais non, c'est moi qui suis intéressé, monsieur, par votre réponse. D'accord, bonsoir. Mais non, vous n'avez pas répondu. Ah, bah non, il a toujours pas répondu. Putain, il est relou celui-là quand même. Bah oui, il faut le rappeler. Bah oui, on va le rappeler, évidemment qu'on va le rappeler. Bon. Tu vas voir qu'il n'y a plus d'écrochés. Oui. Oui, excusez-moi, monsieur, mais vous avez toujours pas répondu à ma question. Non, mais je n'ai pas envie de répondre à votre question. Ben, pourquoi, monsieur? Ça m'intéresse pas. Oui, d'accord, mais c'est moi qui suis intéressé par votre réponse, monsieur. Oui, vous avez fini de me faire chier, là. Mais je vous fais pas chier, monsieur, c'est vous. C'est qui vous m'emmerdez? Mais pas du tout, c'est vous qui me répondez pas. Ah oui, mais là il répondra plus. Bon, on va pas le faire chier plus longtemps. Hein. Je pense qu'il ne débranchera de toute façon chier. Plus. Si, quand même. Hein. Quand mais même. Non, mais je non. rappelle que tout à l'heure, Toff s'est fait de nouveaux amis. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Vous êtes un imbécile. Ne voilà. Me cassez pas les couilles. Hein. Eh ben, me cassez pas les couilles. Est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles, moi? Des parcouilles, c'était aussi ça la semaine dernière. C'était cette semaine, c'est lundi. Quel bâtard. Voilà. Frère enculé. Eh oui. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Eh oui, voilà. Vous êtes un imbécile. Eh oui. Vous êtes un imbécile. Eh ben oui, vous êtes un imbécile, évidemment, hein, Toff. Bah oui, bah, je commence à le savoir. Bah oui. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Ah, il était bien celui-là, il m'a bien fait rire. Le prince là, qui dit Mickaël, tu es toujours aussi beau, même avec un œil crevé, c'est clair. Oh, merci, le prince India. J'habite à Évreux, passe la dédicace de la part de Yannis, s'il te plaît, à Samia. Je peux pas appeler ma mère d'or. Ah, bah, comme ça, ça fait très sexy, ça. Ah, elle va avoir envie de toi, je peux pas appeler parce que ma mère d'or à côté, c'est classe quand même, hein. C'est très très bien, très très bien. Il y a moyen d'avoir un petit sextoy, les gars. Bah oui, on va l'offrir à partir de demain. De dimanche, des nouveaux sextoys à vous offrir à partir de dimanche. Et est-ce qu'on a Big Rabbit ou pas? Big Rabbit, c'est-à-dire le Big One, le truc Bunny. Avec 163 vitesses. Non, y a pas ça. Non, on a pas ça. On a plein de trucs sympas par contre. Ah d'accord, que toi, t'as déjà testé. Hein. Évidemment, testé personnellement. Je les ai tous testés personnellement. De voir si ça se passait bien ou pas. Donc, c'est tout mis dans le cul. Hein, oui, voilà. Vous pouvez y aller, vous pouvez venir. Tranquille, sans problème, il a tout testé, tout n'hésitez testé pas. Personnellement, voilà. Il y a bon. Du très très lourd. Et venez voir la photo d'Halloween également, venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Nous allons reparler évidemment maintenant de spiritisme. Mickaël. Oui. Bon, alors, tu nous appelais pour parler de spiritisme? Bah oui, mais c'est une chose de déconseiller. Donc toi tu nous dis qu'il faut le faire, c'est ça? Parce que non, comme on comprend pas très bien ce que tu faire. Dis parce que tu parles un peu vite justement, donc tu nous dis il de le faire, pas c'est le ça faire. D'accord, faut ok. Faire. Et alors comment faire si on a envie de le faire justement? Bah il faut pas le faire parce que ça ouvre dans son dos. Ouais non mais, monde, non mais je sais bien, mais tout le monde sait pas où le faire, donc on doit aller où pour le faire? Bah dans un château hanté, dans une maison. Il y en a partout, justement à côté de la radio, il y a un château hanté, ouais. Exactement, ouais. Et donc du coup comme tu l'as fait, toi déjà, t'as trouvé ça bien ou pas? Bah non, j'ai jamais fait, donc pour moi là en fait en gros... Ah tu l'as fait trois fois déjà? Non, en fait en gros c'est en fait, j'y crois à une vie après la mort en fait. D'accord, oui. Ah donc toi tu ne crois pas du tout à la vie après la mort, pourquoi? C'est marrant, parce que si tu crois au spiritisme et si tu invites les gens à le faire, c'est bizarre de pas y croire. Bah oui, j'y crois à une vie après la mort. Bah oui, non, mais j'ai bien compris, t'y croyais pas, mais pourquoi? Bah parce que c'est hyper dangereux en fait, c'est hyper dangereux, tous les médiums ils disent à la télé, il faut jamais faire ça en fait. De quoi? De croire à la vie après la mort? Et non, enfin le spiritisme en fait, en gros, faut jamais faire ça en fait. Non, il faut croire à la vie avant la mort. Oui, la vie, oui, la oui, c'est ça, la vie avant la mort, oui. Après la mort. D'accord. Mais faut bon, pas, alors... en gros, faut pas faire. Le spiritisme c'est hyper dangereux, ça d'accord. peut attirer de mauvais esprits et tout. D'accord, mais alors vu que tu donnes le conseil justement à tout le monde de le faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire une séance de spiritisme? Attendez, je vois un mort. Mmh. Ah ouais. Ah oui, c'est un peu nul. C'est pas mal, ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, et, mais... et en faisant ça, t'as déjà parlé à des gens? Non, j'ai ressenti des choses en fait. Et tu ressens quoi sur Toff? Oh, il est moche. Oui. Ça veut rien dire ça. Ça, ça tout le monde le voit, tu dois pas le ressentir. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais non, en fait, j'ai ressenti un goût. En fait, j'ai une grand-mère qui est du côté de mon père qui est mort en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est morte en gros. Ouais. Et puis je sens son odeur de parfum de lavande, de rose. Mais j'attends sa petite voix et tout. C'est trop bizarre. Ouais, mais après, il y a des gens qui confondent entre le souvenir et l'espèce de réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu penses encore à des personnes décédées. Ou que tu. Et donc, attention, j'appelle l'esprit. Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, attends une seconde. Ou que tu imagines la voix ou l'odeur de cette personne, que c'est réel. Parfois, ton cerveau, il te joue des tours. Non, c'est réel. Tous les chasseurs de fantômes me disent. Ah oui, mais. Bah... Ah oui, parce que justement, j'ai appelé Ghostbusters la semaine dernière, parce que il me semblait qu'il y avait un fantôme dans mon grenier. Et c'est quand l'ouverture de la chasse aux fantômes? Bah, la chasse aux fantômes, c'est au mois de novembre. Ah d'accord. Bah, c'est jour d'Halloween, c'est demain. Voilà, c'est la chasse aux fantômes, elle démarre à ce moment-là. Moi, Mika, je connais un site sur YouTube, c'est Ghost Avenger. Ouais. Et c'est trois mecs, je regarde sur YouTube, c'est trois mecs qui s'enferment dans les maisons hantées les plus pires au monde. Les plus pires au monde, oui. Et en gros, ils sont enfermés pendant toute une nuit. Et c'est, franchement, c'est vraiment très, très, très intéressant. D'accord. Mais écoute, ça me donne super envie d'aller voir. Ghost Avengers. Est-ce que t'as déjà été voir Ghostbusters? Non. Ah, c'est dommage, tu devrais y aller, hein. C'est un bon film de spiritisme. Ouais, en plus, ils sont en train de faire la nouvelle version. C'est un film, ouais. Merci. Hein. Bah oui, mais je viens de te le dire, c'est un film à voir. C'est un film gentil, merci. Bah non, c'est un film de spiritisme, il fait peur, t'es sérieux là? J'ai jamais vu moi. J'ai vu. Bah voilà, et Toff, il a déjà regardé Ghostfucker, mais ça c'est pareil, c'est pas vrai. C'est autre chose. J'ai vu quoi aussi? J'ai vu. Merde. Oui, bah plein de films, Michael. Attends, bouge pas, il y a Romain qui est avec nous également du Loir-et-Cher là. Salut Romain. Salut. Comment ça va? Salut la famille, bah ça va nickel. En forme? Ouais, en forme. Bon Romain, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà toi? Explique-nous tout en détail. Bah en fait on galérait en soirée avec des potes et du coup j'ai eu l'idée de le faire avec le verre et l'alphabet, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Et du coup on voulait appeler un ami qui était décédé. Du coup on stressait trop, au bout de 10 minutes et tout le verre il s'est mis à bouger. D'accord. Et on lui a demandé s'il voulait bien parler avec nous, il a répondu oui. Bah je crois qu'il a dit « Allez, va te faire enculer !» Non, mais voilà, en gros, on peut parler, il est sympa. Parce que moi, j'ai une question à poser, moi, à l'esprit. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah oui. Moi, je voudrais lui poser ça à l'esprit pour voir s'il a la réponse. Pire, on lui demandera la prochaine fois. Ah bah, avec plaisir, bah merci, tiens. Bon, alors du coup, t'as fait ça avec le verre, t'as demandé à l'esprit, enfin, à un ami décédé s'il voulait bien te parler, et... Et du coup, bah, il a répondu oui. Et du coup après on s'est tous regardés, on s'est dit merde et tout, on commence à y croire, on stressait trop, quoi, on tremblait, on avait trop peur. Ouais. Et du coup après on lui a demandé s'il voulait bien parler avec nous, il a répondu non, en fait après il voulait plus partir. Ah bah il était bien. Bah oui, c'est ça, vous lui aviez plu. On a vraiment eu peur quoi. Ouais. Ah oui mais c'est ça, il s'est mis bien avec vous, il était tranquille, il avait un petit verre, bah, et tout, cool quoi. Ouais bah voilà. Ah voilà. Et du coup après ça s'est fini comment vous avez... Du coup après il a été sur le nom, en fait il voulait plus partir et j'ai retourné le verre, je l'ai brûlé. Et après on a brûlé toutes les lettres parce qu'on voulait plus avoir de traces quoi, parce que c'était dans mon appart et je voulais pas qu'il y ait de fantômes après dans mon appart. Et du coup le lendemain on a retrouvé la lettre de son prénom qui était pas brûlée en fait. C'est sympa. Merde. Ouais, ça m'a fait trop peur ouais. Moi j'ai du mal à croire à ce truc là tu vois. Non mais franchement faites-le, ça fait trop bizarre. Ouais. Non, faut pas faire ça hein, si vous êtes un peu sensible, non, faites pas ça. Hein. Mais non, parce que Mickaël lui tout à l'heure nous disait justement qu'il fallait le faire. Mais non, faut pas faire ça. Oui, mais Mickaël il croit à la vie avant la mort aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que Mickaël nous disait de justement essayer. Attends, on a également Jo avec nous, la 19 ans de Toulouse. Salut Jo. Ouais. Ça va? Bien l'équipe. Bah ouais, tranquille. Et c'est marrant, aucune fille à croire qu'elles ont toutes peur. Où sont-elles? À mon avis, elles ont peur de Toff, ça c'est possible aussi. Ah, ça doit être ça. Bon, bah les filles, appelez-nous si vous voulez parler spiritisme, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique, vous nous appelez, bien sûr aussi avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, vous tapez un maximum de hashtags et vous serez peut-être d'ailleurs tout à l'heure top tweetos, hein, 2h du mat' quand on aura terminé l'émission. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Bon, hey, alors, ouais, joue. Ouais, je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, si tu veux, bien sûr. Alors, attention. Ah, vous êtes un imbécile. Voilà. Ça me paraît pas beau. Alors, je suis là. Bah, frère enculé. Eh oui, voilà. Ou encore celui-là. Et ta mère, elle emporte les chutes-gorges ou pas? Oui. Ah, tant mieux. Bah, bon, comme ça, au moins, on a la réponse. Bon, Jo, alors, de Toulouse. Mais bon, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est effectivement. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Jo, là? C'est quoi ce que tu voulais nous raconter? Bah, en fait, mon père, il s'est fait exorciser quand il était petit. Ouais. Parce que en fait jusqu'à l'âge de ses 6 ans il arrêtait pas de pleurer tout le temps. Il avait la tête qui tournait sur elle-même. Oui c'est ça, ouais, un truc bizarre. Il faisait pas ses nuits et tout et donc il allait jouer. Ma grand-mère m'a expliqué qu'il était allé voir des médecins et il savait pas quoi faire. Et puis à l'âge de ses 6 ans, elle a pris rendez-vous avec un exorciseur. Et non un exorciste. Un exorciste. Ouais, bah bien, merci. Mais du coup, il l'a gardé une nuit, il lui a mis apparemment des bandages tout autour du corps. Et pendant toute la nuit, il a pleuré aussi. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés. Et en fait, toutes les bandes elles étaient imbibées de sang. Mmh. Et à partir de ce jour-là, il a fait ses nuits, il a arrêté de pleurer. Et c'était quoi la raison du coup? Bah du coup elle m'a pas dit mais l'exorciste avait fait quelque chose qui a fait qu'il a fait ses nuits et... Sympa. Donc mais en réalité si vous avez un enfant qui pleure, vous lui mettez du ruban autour et demain matin demain il sera rempli de sang et ça se finit, après, ça sera pareil. Après elle a fait l'exorciste, elle a fait quelque chose, elle a fait son métier quoi. Elle a exorcisé. Elle a exorcisé, oui c'est ça, elle était payée pour, tu me diras. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, attends, bouge pas de là. Il y a aussi Thomas avec nous, là, 23 ans de Lyon, là. Salut, Lyonnais. Salut. Comment ça va? Bah, ça va. Bon, bah, tant mieux, hein. Alors, Thomas, dans quelques minutes, tu vas nous parler aussi d'exorcisme? Ouais. T'as fait quoi, toi, en deux mots, hein? On en parle après, plus longuement. En deux mots, ben, avec mon frère dans une chambre différente, on a vu une personne dans le couloir chez mes parents. Très bien, ne bouge pas, on en parle dans quelques minutes, ne bouge pas de là. Jo et Romain, vous avez encore un truc à ajouter? Non, est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, bah vas-y, il y a une seule personne, Romain. Bah, tout le lycée Ronsard de Vendôme. Voilà. Très bien, bah, on embrasse tout le monde dans le bahut, y'a pas de problème. Salut Romain. Ouais, moi aussi, je peux faire une dédicace. Vas-y Jo, vas-y. Bah, ben, je fais une dédicace à Benjamin et voilà, j'espère qu'il écoute. Et ben voilà. Et puis, vu que tu as invité un garçon, ben, je fais aussi une dédicace à toute l'équipe. Et... Bravo Jo. Bon, t'as de chance à nous. Bon, salut Jo, passe une bonne nuit en tout cas, à bientôt. Ben vous aussi. Salut Jo de Toulouse. Je vais continuer à vous écouter, normalement. Ah, ben c'est gentil, et n'oublie pas de prévenir les autres. Hein. Romain, pareil au bahut. Hein. Ouais, t'inquiète. Ben, en fait, le problème, c'est que j'ai pas internet, donc je peux pas forcément trop vous suivre. Ah merde, et oui, c'est con ça. Je peux vous suivre que sur la radio. Bah écoute, c'est le principal à la base, hein. C'est la radio qu'on fait à la base. Hein. C'est vrai, mais bon. Bah, oui. Non, mais c'est vrai. Pas bien de vous suivre qu'à 50%, quoi. Bah oui, non, mais t'inquiète, tu vas pouvoir aller à l'occasion, t'auras bien internet de temps en temps, non? Quand j'aurai mon appart. Eh ben voilà, ben ça va venir. Bon ben salut Jo, merci à toi en tout cas, bon courage pour la suite. Bonne soirée. Salut Jo, ciao. À bientôt. Mickaël, encore un truc à ajouter? Je voudrais faire une dédicace. Eh ben vas-y, à tous les esprits. Toute ma famille. D'accord, ben on embrasse la famille alors. Bah merci, et puis dédicace à vous, et puis bon courage pour la suite. Hein. Eh ben t'inquiète pas, on est plutôt bien là, y a pas de problème. Et donc Mickaël qui nous conseillait de faire du spiritisme. Voilà. En tout cas non, c'est bien noté. Merci beaucoup Mickaël, t'inquiète pas, on va en faire, y a pas de problème. Et regarde Ghost Avenger aussi. Oui, bah Ghostbusters, je vais aller le télécharger sans problème. Bah c'est sur YouTube. Oui, mais t'inquiète, bah pas de problème. Ouais, bah regarde bien. T'inquiète. Merci Mickaël. C'est toi qui dessus. Fais le Bobby McQueen. Il n'y a aucun problème, c'est noté là. J'y vais de ce pas. D'ailleurs, j'arrête l'émission plus tôt. Bah vas-y, allez, je te remplace. Pas de problème. Oui. Salut Mickaël. Salut. Allez, à bientôt, merci à toi, ciao. Et puis restez avec nous sur Fun Radio, il est 1h44. Top Twittos, dans quelques minutes, on fera tirage au sort aussi hein, pour les gagnants du livre FIFA. Vous avez été vous inscrire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Tirage au sort dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Et on écoute en attendant le son de Selena Gomez sur Fun Radio. Selena Gomez, c'est Slow Down. Bonne nuit tout le monde. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Now that I have captured your attention. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Eh ben, vous balancez évidemment tous vos messages, hein, comme d'habitude, numéro du SMS, vous débutez le message par Mickaël si vous voulez, il n'y a pas de problème. Laurine qui dit, je suis en costume de vampire, une belle robe, tremblez, pauvre mortel. Eh bien Laurine, n'hésite pas à nous faire une photo. Une petite photo. Hein, pour partageons la photo. Oui, la costume de vampire, Laurine. Thibaut qui dit, on peut changer de sujet parce que je pourrais plus dormir. Oh, t'inquiète pas. Et Alexis qui dit, ah ouais, stop, vous me faites flipper. Et Boulébile également sur le Twitter qui dit, je pourrais avoir un message de bien. Bienvenue s'il vous plaît, je vous écoute depuis une semaine, vous gérez les gars. Oui, il me semblait bien que t'étais un nouveau toi, Boulébile, attends, je te mets un petit message là de bienvenue. Connard. Eh ben voilà, je t'en mets un petit peu plus long. Et mes couilles sur ton nez. Et les couilles sur le nez, évidemment, c'était un ami de Toff que nous avions rencontré la semaine dernière. Et en parlant d'amis de Toff, on va faire encore un dernier appel pour aujourd'hui. Allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va. Alors, on appelle donc pour savoir ce que les gens se sont déjà introduits. Puisque apparemment, d'après un sondage sur lequel nous sommes tombés, 28% des Français ont déjà testé de se mettre des fruits et légumes assez particuliers. Donc on appelle et j'espère qu'on aura de la chance pour ce dernier appel et on parlera encore de spiritisme avec Fabrice, avec Thomas, avec Cyrielle également de Nancy. Et on aura encore le livre FIFA 14. Oui, écoute. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé des objets de la vie de tous les jours comme sextoy. Non, jamais. Non. Même pas un concombre ou une carotte. Qu'est-ce que vous me racontez là? Bah, je veux savoir si vous avez peut-être fait l'amour sur votre machine à laver. Bon, j'ai pas de temps à perdre alors, qu'est-ce que vous voulez? Bah, savoir si vous auriez peut-être déjà utilisé le vibreur de votre téléphone pour vous exciter un peu, ou peut-être exciter madame. Vous avez pas d'autres conneries à éviter? Bah non monsieur, c'est une question. Oui, bon. Et vous êtes con ou pas? Mais pas du tout monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Vous me posez des questions comme la lune. Mais pas du tout. Moi, je vous demande si vous avez déjà utilisé ces objets-là pour. Bien sûr, tous les jours, comme tout le monde, voyons, c'est évident. Vous posez des questions, vous enfoncez les portes ouvertes, monsieur. Ah bon, vous utilisez. Oui, bah, enfin, vous datez de quelle époque? Ah ben, je sais pas, vous savez, moi, je suis encore un peu jeune, alors je découvre tout ça. Ah monsieur. Oui, vous êtes jeune, bah, faut apprendre beaucoup de choses. Ah oui, d'accord. Et vous êtes plutôt carotte ou concombre? Ouais, moi, je suis con. Vous êtes con? Oui, je suis con, comme vous. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Bah si, moi je le vois. Si vous voyez rien, achetez des lunettes. D'accord, mais vous êtes sûr que vous avez compris la question? Oui, j'ai très bien compris la question, je suis con, alors je comprends tout. Ah, c'est bizarre, monsieur, votre histoire. Au revoir, monsieur. Eh ben, au revoir, monsieur. Bon, bah, effectivement, il était bizarre, lui. Hein. Je confirme. Bon, on fera d'autres appels demain. Je rappelle que si vous avez des numéros de gens qui ont peut contacter, bien sûr, assez tard, n'hésitez pas à nous transmettre et à transmettre les numéros à Tof directement sur son mail toph@funradio.fr. Il y a Scratchz avec un Z qui dit « Mickaël et moi, je suis nouveau, je veux aussi un message de bienvenue. » Bah, pas de problème. Tiens, tu as ton message de bienvenue, je t'en mets un, là. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Ah, bah, voilà, c'était les Asiatiques quand on les avait appelés dans le restaurant chinois. Il y a Nixus aussi qui dit « Caca, ami, son premier but avec l'AC Milan, un superbe but, et Bruce Granek l'a pas vu, je pense, trop de travail après sa victoire 4-0 sur Mickaël. Nexus, je tiens à rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas que Bruce, effectivement, qui est donc le champion du monde de FIFA, m'a mis que 4-0 buts hier en 3 minutes. Bah oui, en 3 minutes évidemment, mais alors 4-0 ça va? Bah ouais, en 3 minutes ça va, ouais. Bon, franchement, moi j'ai pris ça pour une victoire. Bah ouais. Parce qu'il m'a, hein, m'a mis 3-0 dans la première mi-temps et il ne m'a mis que un but dans la seconde mi-temps. Alors que j'étais à deux doigts d'en mettre un. J'ai quand même fait un beau tir qui a fini certes à côté, mais deux tirs non cadrés. Il faut dire la vérité, comme on était dans un truc officiel et tout, Mickaël ne pouvait pas gagner. Donc on s'est arrangé, voilà. Oui. On s'est arrangé tu quoi? Tu pouvais pas gagner, normalement t'aurais dû gagner. Si on avait vraiment fait le truc. Mais tu pouvais pas ridiculiser Bruce. Voilà, ça c'était la version officielle, évidemment. Mais voilà, faut que ça reste comme ça. Je compte sur votre discrétion, bien entendu. Hein, mais voilà. Mais effectivement, normalement, oui. Il y a Jade qui dit avec des potes au bahut, on voulait appeler des esprits. Alors attendez, musique d'esprit, bien évidemment. Hop là, musique d'esprit. On s'est enfermé dans les toilettes. On a quelle idée d'appeler des esprits dans les chiottes du bahut. C'est naze. Ouais, on va surtout avec l'odeur, quoi. Ouais, en plus, ouais. T'attires que des esprits de merde. Exactement. On a toutes mis nos mains sur un verre en disant esprit, es-tu là? Quand la lumière automatique s'est éteinte et le verre s'est brisé sans qu'on le touche, on s'est levé vite pour ouvrir la porte, mais elle s'ouvrait plus. On a flippé, s'il te plaît, Mickaël, passe mon message. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Mais comment t'es sorti de là, Jade? Si la porte s'ouvrait plus? Parce que tu nous as pas raconté toute l'histoire, quoi. C'est très bizarre, ouais. C'est assez particulier, non? Va te faire enculer maintenant. Voilà, c'est ton message de bienvenue en même temps. Il y a Quentin qui dit, mais trop fort, il est atteint, lui, mort de rire, c'est un esprit. Le prince, c'est l'équilibre, Mickaël, tout à fait. Il ne faut pas confondre souvenir et réalité, je suis complètement d'accord, oui. Mais c'est vrai, hein. Il y a Adam aussi qui dit, bravo, je vais pas dormir de la nuit maintenant, bravo. Hein. Et Alexis qui dit, énorme ta tête, c'est le zombie fun. Exactement, c'est ma nouvelle tête, hein. Sur le Facebook, allez voir, facebook.com/mickaël officiel. Léa qui dit, j'adore ta tête, merci Léa. Et Perinoué ou Peggy qui dit, pendant mes vacances en Espagne, je suis sorti du camping et avec mon frère, on a trouvé une maison hantée où il se trouvait une corde où quelqu'un s'était pendu et juste un squelette en dessous. En classe. Oui. Et Rémi qui dit, moi j'ai pas eu mon message de bienvenue, je suis triste. Oh, pauvre Rémi, allez, je t'en mets aussi un petit là, vite fait, hop là. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, et puis Fabrice qui est avec nous également de Limoges là. Bonsoir Fabrice. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène Fabrice? Tu voulais parler des esprits également? Ouais, c'est ça. Alors, moi, en fait, j'en ai fait des esprits, en fait, si je peux le dire. Et en fait, j'ai placé un oui, un non, tu vois, ouais, en bout de papier. Et puis, on se tenait la main comme ça, en rond. Et puis, on faisait esprit, es-tu là, j'ai l'air, réponds-nous. Ouais. Et puis, là, il y a le non qui s'est, tu vois, qui s'est mis en boule. Qui s'est mis en boule. Que tu poses la question à l'esprit s'il est là, et il te répond non. Et il se fout de ta gueule. Ouais, c'est ça, il me répond non, tu vois. Et il prend le cendrier, tu vois, et le cendrier était éclaté derrière nous. C'est bon ça? Il s'est jeté par terre, il s'est éclaté en mille morceaux. Ouais, à mon avis, tu l'as regardé dans l'esprit, non? Ah ben, je sais pas, ouais, je crois, je pense que. Et on a insisté, tu vois, et il y a la vitre de la porte vitrée, elle s'est carrément brisée. Ah oui, putain, c'est chaud quand même. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est un truc de ouf. Vrai. Mais tu l'as commencé après? Allô? Ah, bah, je crois qu'on l'a perdu. Non, je crois que l'esprit est revenu. Ouais, non, voilà, l'esprit de retour. Est-ce que tu l'as rappelé après? On a regardé sur la vitrine, il y avait une pierre qui était lancée, tout ça, mais il n'y avait rien du tout. Donc on n'a pas lancé de pierre, d'accord. Parce que moi j'aurais rappelé l'esprit, je lui ai dit, attends, mec, t'as cassé la vitre, mais là on peut payer. Attends, il est sérieux, ouais, pas non, mais on a regardé s'il y avait quelqu'un qui avait balancé un caillou ou quelque chose, mais non, en fait, non. Il n'y avait rien eu, tout ça. Ah ouais, c'est brisé, mais. Elle s'est pas pissurée, elle s'est brisée carrément en mille morceaux. Ouais, ouais, ouais. Bah moi c'est marrant parce que bon, moi ça m'est jamais arrivé, donc j'ai un peu de mal à y croire parce que ça ne m'est jamais arrivé. Hein. J'ai plutôt tendance à croire. Moi aussi, j'y croyais pas. Ah, j'y crois un tout petit peu, on va dire, j'y crois pas non plus. Hein. D'accord. Et dernièrement on a fait quoi d'autre, parce que nous on aime bien se faire flipper comme ça. Ouais. On était dans la forêt un soir, comme ça. Est-ce qu'il y avait des arbres en forêt ou pas? Ouais, il y avait plein d'arbres. Ah d'accord, ok. Il y avait de la terre. Avec plein de feuilles. Et là, il y a eu quoi? Et on était sans lampe torche, tout ça. Vraiment, comme ça, on s'est adapté à la lumière du noir, tout ça. Et puis, on entendait plein de bruit, tout ça. Et c'est très flippant. On avait trouvé une vieille chapelle. Et moi, comme j'y crois... Ouais, c'est marrant, ouais, avec une chapelle. Moi j'y crois pas, les esprits, tout ça, j'y crois pas trop. Même si il m'est arrivé ça, j'y crois pas trop. Et moi, comme je savais que les autres flippaient à côté de moi, ouais, j'ai pris une pierre et je l'ai jetée devant eux. Et ils ont tous flippé. Ils sont tous pas en courant. Ouais, mais si tu fous la merde aussi, toi. Attends, il y a aussi Cyrielle qui est avec nous, là, 19 ans de Nancy, là. Bonjour Cyrielle. Bonjour, allô. Bonjour, comment ça va Cyrielle? Ça va, merci, vous. Bon, très bien, Cyrielle. Cyrielle, les esprits veulent savoir. Ah ouais, ils veulent savoir quoi? Combien mesures-tu? Ah, oh, mais c'est 1m66. Combien pèses-tu? 48 kilos. Oh, il faut manger un petit mais peu. Mais pas hein. Du tout, pas d'ici. Ouais. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Ouh. Ah oui, 90D comme Denise, alors. Non, B comme... B comme bien. Comme bête, je sais pas. Ouais. Oui, ou comme bien aussi. Hein. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 34. Arrête de me gâcher la chanson. Elle est bonne. Elle est bonne. Eh oui, pas mal, effectivement, oui. Sois la bienvenue, Cyrielle. Les esprits sont ravis de t'accueillir. Oui, tu peux tout nous dire. Voilà, Cyrielle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah en fait, on va dire que moi, depuis ma naissance, en fait, il m'est arrivé déjà pas mal de choses. Oui. On va dire que j'avais parlé à quelqu'un qui communique avec les esprits et on m'a dit que souvent quand on frôlait la mort, ben on était déjà plus proche des esprits. Et on m'a également dit que si on la refrôlait, ben, on voyait plus rien. Et en fait, j'ai failli mourir déjà à ma naissance et j'ai eu un accident il y a quelques années où j'ai failli passer. Et depuis je vois quasiment plus rien, mais les années de mon enfance c'était vraiment très très très difficile pour moi, quoi. Je voyais énormément de choses et je vivais très très mal, on va dire. Bon. Ouais, bah, le coup de si t'as failli mourir à ta naissance, bon ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Et le fait d'avoir après un accident, ça arrive aussi, tu vois, il y a peut-être pas forcément non plus de non, lien. Non mais après c'est le fait des esprits en fait, parce que il m'a... Attends, seconde, pourquoi ça fait bip à chaque fois, Cyrielle? C'est quoi ton téléphone là, il est bizarre? Je sais pas, parce que j'ai un téléphone de merde. T'enregistres la conversation ou quelque chose? Parce que du coup comme ça fait un bip, en fait ça coupe carrément ta voix là. Attendez. Vous m'entendez? Un double appel. Bah ouais, un double appel, mais c'est pas censé couper quand même. Vous m'entendez là? Allô? Ouais, là on t'entend, ouais. C'est peut-être un esprit. C'est l'esprit. Il ne veut pas que tu nous parles. Non, je crois que c'était le réseau en fait. Ah, c'est un téléphone de merde en fait pour ça. Oui, c'est possible. Bon, et donc je disais que c'est peut-être le fruit du hasard aussi, tu vois. Non, en fait, on va dire plutôt que dans mon enfance, en fait, je vivais en fait dans une ancienne ferme. Et en fait, il m'arrivait plein de choses, genre, je sais pas comment dire, déjà, je voyais pas mal de choses, je ressentais tout le temps qu'il y avait quelqu'un chez moi. Je disais à ma mère, elle me prenait un peu pour une folle, mais bon. Ouais, bah oui. Et genre, je sais pas comment vous dire, mais genre par exemple, une fois, je passais l'aspirateur, oui, ça m'arrivait. Oui, mais comme quoi, finalement, il faut bien que ça arrive un jour. Hein. Oui, voilà, et oui. Donc en fait, j'ai ressenti une présence derrière moi, et je me suis retournée pensant que c'était mon père. Et si vous préférez, j'ai vu la prise de con qui s'est débranchée, et qui s'est jetée au sol comme ça. Juste devant moi. Hein. Ça, c'est l'aspirateur, il en avait marre, il a dit, ouais, c'est bon, j'arrête de travailler ça. Trop de poussière. Ouais, trop de poussière, c'est une horreur chez toi. Moi, je me casse, Cyrielle. C'est ça qui s'est passé. Non, hein. Non mais franchement, déjà, c'est vrai que je quittais. Il n'y a pas longtemps encore, je sais pas comment vous dire, mais des fois, j'avais eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui dormait à côté de mon lit, en fait. Oh là, mais quelle horreur. Et dès que j'ouvrais les yeux, en fait, je voyais une silhouette. Et que je fermais, je ouvre et je voyais plus rien. Mais je vous jure. J'en dormais quasiment pas quand j'étais gamine, quoi. Enfin, vraiment. Non, mais ça, je peux concevoir. Horrible. Non, mais ça, je peux concevoir complètement. Fabrice, t'as encore un truc à ajouter? Ouais, une petite dédicace. Bon, bah, vas-y, à une personne, Fabrice. Vas-y. Ouais. à tous les chauffeurs de France qui roulent la nuit. Bah voilà, très bien. Mais à ceux de Belgique aussi, ceux du Luxembourg, hein, puisqu'on passe là-bas aussi. Donc, voilà. Voilà, pas de problème. Ça. Salut Fabrice. Salut. Allez, à bientôt. Thomas, encore un truc à ajouter ? J'ai encore rien dit en fait. C'est pas vrai, suis-je bête, je pensais que t'avais déjà. Comme j'ai dit le Lyonnais tout à l'heure, j'étais persuadé qu'on avait déjà fini. Thomas, bah écoute, sois le bienvenu alors. Non, merci. Alors salut, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive Thomas ? Alors en fait, si tu veux, moi c'est il y a 3 ans en arrière quand je vivais encore chez mes parents. Mes parents avaient un. Enfin, avaient. Ils étaient locataires dans un vieux corps de ferme qui avait été réaménagé et tout, quoi. Et puis ben on était. Moi je suis chauffeur routier de nuit, alors j'étais en vacances. Ouais. Et puis, bon, regarder la télé, machin, enfin, je restais souvent tard le soir tout seul. Et je monte dans ma chambre et tout, puis bah, je joue à la Xbox, machin, je vais me coucher. Et puis, si tu veux, de la porte de ma chambre, en fait, je voyais tout le couloir, en fait, de la ouais. Il y a mes parents, tout ça. Et au bout du couloir, t'as un angle avec le qui repart sur mais la gauche. Mais l'angle, comment, il était rond? C'est un L. ça faisait un L, en fait, d'accord. Le couloir. Et en fait, t'avais la chambre de mes frères. Que je voyais pas moi, mais eux voyaient l'angle comme moi, enfin de là où on était quoi. Ouais. Et puis bah premier soir où c'est arrivé, je me couche, je ferme les yeux, je les roule parce que la porte était ouverte, puis ouais. Je vois une ombre au fond. Je crois que t'allais nous raconter ta nuit, alors je ferme les yeux, je commence à respirer. Non, je vais boire du lait. Bon, tu fermes tes yeux, tu les réouvres et là tu vois quoi? Je vois une ombre. Ouais. Bon, je me frotte les yeux, puis je me dis, bon, bah, c'est moi qui a dû décoller, vu que j'avais passé un moment sur la Xbox. Je me rendors, voilà. Hein, je ferme les yeux, je réouvre les yeux, et puis. Non. J'ai envie de faire caca. Non, bon, ça, c'était déjà fait, on va dire. Ah, bah, tant mieux. Et le lendemain, si tu veux, en bas des escaliers, il y a mon chien qui dort. Le lendemain, mon chien qui se met à grogner pour un rien, comme ça, bon. Au bout d'un moment, je me lève, je dis, oh, tais-toi, c'est bon, quoi. Ouais. Je me recouche, ça reste comme ça. Il y a tous les dialogues du scénario. Ah ouais, je peux toutes les faire si tu veux. Et puis le lendemain, là par contre, là ça a vraiment, vraiment fait flipper. À un moment, j'entends mon chien qui grogne, je me relève, je dis, oh, là c'est bon quoi. Et puis là, le chien fixe, bougeait pas, elle regardait dans le salon. Et je dis, bon, ben, elle doit péter un câble, je vais me recoucher, voilà. Et là, d'un coup, à peine couché, j'entends mon frère qui gueule ici. Oh la putain de Sarah, il dit. Bon, je reste surpris. 10 minutes après, les lumières éteintes, je regarde dans le couloir, posé au même endroit, l'ombre, comme ça. Mon frère qui se met à gueuler comme pas possible, moi en sursaut, mais je dis, mais c'est pas possible, mais c'est moi qui je dois rêver, quoi. On en reparlait après, quelques temps après, parce qu'avec mon frère, on n'osait pas en parler comme ça. Et même mon frère a vu la même chose, et c'est pour ça que ce soir-là, il avait gueulé comme ça, quoi. Mais et alors, on est depuis, sûr qu'il y avait, c'est... depuis, c'est quoi cette ombre? Et bah en fait c'était l'ombre de quelqu'un, mais après on sait pas exactement que c'était qui, parce que mes parents étaient dans leur chambre dormée et le plus petit de mes frères était dans la même chambre que mon autre petit frère. Alors c'était pas un d'entre nous qui s'amusait à faire le con quoi. Ouais c'est marrant ça. Enfin non, c'est marrant, on l'a vu, t'as pas dû rigoler. Bah, mais... Non, sans con, on n'a pas rigolé, mais après, c'est vrai que quand on en reparle, on flippe un peu, mais après bon bah ça s'est jamais reproduit, puis bon bah moi après j'ai déménagé, j'ai pris mon appart alors. Ah ouais. Voilà quoi. Ah ouais, c'est. Il y est plus retourné. Ouais bah il valait mieux hein, t'as cela. Ah dit. Non, et puis mes parents ont déménagé, alors tant mieux. Bon bah tant mieux, effectivement. Bon bah merci Thomas pour la petite histoire. Hein. Ça va en faire flipper plus d'un là, ceux qui sont dans le noir en train de nous écouter. Regardez légèrement sur votre droite, s'il ne se voilà, passe dans le rien. Couloir, au fond du couloir, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un craquement maintenant là? On ne sait jamais. Mais si non, t'as pas peur, tu regardes sous ton lit. Ouais, et là maintenant tu regardes sous ton lit avec la lumière éteinte. Ouais. Et là on verra si t'es un mec. Moi perso je le fais pas, j'ai trop peur. Attention! Arrête! À ta gauche, il y a un monstre. Oui! Il va te découper! C'est le stagiaire. Non, ta gauche, elle est de l'autre côté. Voilà. Mais je voulais pas attaquer le stagiaire qui travaille bien. Arrête, on me suit une merde. Il fait mon travail. C'est ça, il travaille pas bien, il fait juste son travail. C'est ça. Bon, ben merci Thomas d'être passé. Bah ben, merci, je pourrais faire une petite dédicace. Vas-y, à une personne, Thomas. Pas de soucis, alors eh ben, tous les chauffeurs routiers de France. Ouais. D'accord, et de Belgique et du Luxembourg, puisqu'on écoute à là-bas aussi. Voilà. Et ben voilà, voilà pas de problème. Partout, et puis ben, à vous aussi, voilà. Et ben merci Thomas, merci à toi, bientôt Cyriel. Merci. Allô ? Oui, Cyriel, gros bisous. Ah, vous me laissez, ça y est. Ah ben on l'a oui, fini, on là, t'abandonne. Cyriel. Sauf si t'as encore un truc à ajouter ? Bah. Non, faut se méfier des esprits, juste faire attention. Et franchement, moi, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, quoi. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais bon, pourquoi pas un de ces quatre. Et je voulais vous demander un truc aussi, s'il vous plaît. Oui, Cyrielle. En hommage à mon téléphone tout pourri, vous pourriez me renvoyer, s'il vous plaît. Attends, laisse-moi réfléchir. Je peux t'envoyer un coup de pelle. Ça oui. Oh merci, c'est gentil. Ah bah, écoute, c'est déjà ça de prix. Hein. C'est déjà ça. Non, tu mais pourras on a taper pas de... avec sur ton téléphone. De toute façon, on n'a pas de téléphone sériel cette semaine affilée. Donc là, ça va être compliqué. Enfin, on en a offert un dimanche, mais depuis. Ah si, on en a un, mais après, moi, j'en aurais plus. Donc je serais vachement plus dans la merde. Ah, c'est vite tough, il n'en a pas besoin, il n'y a personne qui l'aime. Oui, ça c'est pas faux par contre. C'est vrai. Mais et c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Oui, oui, oui, mais que pour t'insulter en règle générale. Bon, je te fais des bisous, Cyrielle. Bah, grave, plein de gros bisous. À franchement, bientôt. Ça fait 3 ans que vous écoutez et vous déchirez tout. Eh ben, sois la bienvenue, Cyrielle, et merci d'être là. Ok, bah merci à vous. Bisous. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, Cyrielle. Okay. Ciao. Bye. Salut. Et puis, Valentin, qu'on n'a pas eu le temps de prendre, là. Valentin, t'es là de Marseille? Oui, je suis là. Bon, ben, on va parler. Ouais, on va te rappeler demain, du coup. On va parler de quoi demain avec toi? De ma meuf hyper chiante. Ta meuf est hyper chiante? C'est-à-dire, bah c'est une meuf, c'est normal. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est-à-dire, elle est chiante? Bah, c'est-à-dire que maintenant, bah, vu que c'est 2 heures, ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Et à chaque fois que je la vois, ou même je la vois même pas, elle m'envoie des SMS, elle me fait ouais, je t'aime trop fort et tout. Alors que. Bah c'est bien. Alors quand on t'en a rien à foutre. Ensemble, oui, voilà, raconte tout à l'heure. Bah, sors pas avec elle, voilà, hop, la faire replier, Valentin. Allez, dégage. Bon, elle te harcèle, quoi, c'est ça que t'essaies de nous dire. Ouais, bah oui, voilà. Bon, bah écoute, on en parle demain, Valentin, d'accord? Non. Bon, bah demain, Valentin. Et puis, on va se faire le gagnant. Alors, je sais pas si on aura le temps de les appeler maintenant, mais en tout cas, on mettra les noms à la limite sur le Facebook. On les a ou on les a pas, les gagnants? Non, on les a FIFA. Pas. Ah, putain. Bon, bah tant pis, on mettra les noms tout à l'heure. On fera les tirages au sort tout à l'heure. Rassurez-vous pour vous offrir votre FIFA 14 de livre pour devenir le champion du monde FIFA 14. Et puis, on va prendre Adrien qui voulait chanter avec nous le générique de fin. Adrien, t'es là? Ouais, je suis là. Très bien, alors entraîne ta voix, le temps de faire le top tutos. Ouais. Bon. Oh, je suis un peu stressé parce que c'est ma première radio là. C'est pas vrai, Adrien. Si. Là j'ai les paroles devant le nez là. J'ai écrit toutes les paroles. Ah, parce vas-y. Que j'ai une petite partition là. Vas-y, vite fait. Donc voilà. Bah fais un extrait pour voir le début là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à te sucer, toi l'enculé. Bon, alors ne bouge pas, on va faire ça dans quelques minutes. D'abord le top tweetos, quels sont les 5 auditeurs les plus actifs ce soir? Quels étaient les 5 auditeurs les plus actifs sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël? On commence au numéro 5. Je tiens à dire que le numéro 6 c'est Let's Be Freaks. Non. Alors numéro 5, Fafa 44260. Très bien, et bah bienvenue à toi Fafa. Numéro 3, numéro 4, Thomas Guilhem. Numéro 3, je vais y arriver moi. Donc numéro 3 c'est CDN. Oui, c'est pas facile à dire. Numéro 2, Let's Be Freaks. Mais elle était 6ème. Oui, mais elle est 2ème aussi. Comment ça, elle est 6ème et 2ème? C'est une killeuse, cherche pas. Ah, c'est 2 secondes différents. Bah, il y a Let's Be Freaks 1 et Let's Be Freaks 2. Ah oui, d'accord, parce que bientôt elle fera le 3 aussi, hein, il va arriver bientôt là. D'accord, et alors, et numéro 1, Sheva GTR. Sheva GTR, bravo Sheva GTR, il sera quoi? Eh, surtout que avec 2 comptes, elle est pas première. Bah. Si, non. Elle est première, mais enfin. En cumulé, elle est largement première quoi. Ah oui, en cumulé, oui, mais en vrai, non. Bah en vrai non, mais je pense que c'est parce qu'elle a dû être bloquée. Ah bah oui, mais ça c'est quand on met trop de tweets. Donc faut pas non plus être trop gourmand, faut faire ça petit à petit sur la longueur pour gagner le top tweetos tous les soirs. Bon bah très bien. Sinon en cumulé elle est largement première. Ah oui, mais en cumulé oui, mais là malheureusement c'est pas comme ça qu'on calcule. Il y a Jade aussi qui dit en fait tellement on flippait, on a forcé sur la serrure. Ah oui, par rapport aux meufs là qui ont fait la séance de spiritisme dans les chiottes du bahut, du coup qui sont restés coincés parce que la porte était fermée à clé. En fait on a tellement flippé, on a forcé sur la serrure, donc du coup on a escaladé, mort de rire. Merci d'avoir passé mon message, vous êtes géniaux et vous nous faites délirer tous les jours d'Halloween. Merci Jade. Et Happy Halloween tout le monde. Je vous ai mis ma belle photo d'Halloween et une belle photo de citrouille également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Oui, c'est la tête de Toff que j'ai mise, la citrouille. Oui, je suis tellement beau. Ah oui, magnifique. Je me suis kiffé. Ah bah tu m'étonnes. Générique de fin, c'est parti. Allez, attention. Allez. Attends, est-ce que t'es prêt? Attends 2 secondes. Alors, je reviens dans ma chambre parce que sinon mes parents ils vont me déranger. Bah oui, appelle ton père, mais tu as raison. C'est pas mes parents, ils vont me déchirer. Hein. C'est mes parents vont me déranger. Ils vont te déranger, okay. C'est ça. Bon, dis-moi, okay, c'est bon. Dis-moi quand t'es prêt, t'es sûr? C'est bon, j'ai la partition sous les yeux, c'est parti. Ok, très bien. Alors, juste un message pour Toff. Vous êtes un imbécile. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. 3, 4. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes les bites, attaché, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur, j'en plus ton nom, y'a personne qui est qui comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui enculé ton enfer, l'enculé. Depuis dormir, on vient manger. Donc, la journée. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Me cassez pas les couilles, hein. Est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles, moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes un imbécile? Vous êtes un imbécile? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Vous êtes un imbécile. Quel bâtard. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? L'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi allez, allez, l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouges des bites, tu sais pas si c'est toi l'enculé. Ta maman, c'est un enculé. Ta maman, c'est un enculé. Oui, tout le monde, on est les enculés. On est les enculés. Eh ben voilà, merci Alilou comme bah d'habitude. Voilà. Eh ben bravo Adrien, là. Et tes parents ils sont pas levés là derrière en t'entendant. Il y a mon père qui vient juste de faire une petite intrusion dans ma chambre. Sans déconner. Mais dis-lui qu'il vient de chanter avec nous. Ah oui c'est ça, mais qu'est-ce que tu racontes à 2h du mat avec enculé partout là, sale con. Ouais, est-ce que je peux avoir un petit Paxson? Oui, pas de problème, on va te repasser Sandro au standard et tu vas gérer ça avec elle, pas de soucis. Merci beaucoup Adrien, quel talent de chanteur, hein. Tu as une carrière. Ah merci. Tu étais magnifique. Ah oui. Salut à toi, hein. Allez, salut. Salut Adrien, ciao. Et on revient d'où demain pour la dernière de la semaine. Avec un canular demain, ouais, demain c'est le canular du jeudi. Donc si vous voulez peut-être piéger copains, copines, parents, frères, sœurs, bref, n'importe qui, n'hésitez pas bien sûr à nous appeler dès maintenant ou alors faire un mail tout simplement. Sandro sandero@funradio.fr. Je vous souhaite une excellente nuit et puis on se retrouve donc comme je le disais, demain ce sera à partir de 23h pour déjà la dernière de la semaine. Passe vite, hein. Cette semaine, hein. Ah mais surtout cette semaine, elle a filé là entre Nancy dimanche, Paris Games Week hier et puis ce soir là. Bon allez, à demain 23h. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limite. Fun Radio. Et on va accueillir également notre citrouille. Pourquoi? JB. Qui va faire la nuit comme d'habitude jusqu'à l'arrivée de notre ami Bruno tout à l'heure à 6h. Oui, d'ailleurs je suis déjà là, je sais pas pourquoi. Là, ouais, t'allais la faire, mais non, faut pas la faire. Vous avez été en forme au niveau la des France. Vannes aujourd'hui. Ouais, t'as aimé mais tu parles des vannes de et merde. Et le mousse. C'était merci. Nul. Merci mon Gilles. C'était merci mon bébé. Nul. C'est aussi bon qu'un chocolat. Ouais. Au chocolat. Merci mon bébé. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense que nous allons partir plus vite que prévu. Je comptais. J'ai eu tort de la faire. Ouais. Tort, le film, évidemment. Oh là là là. C'est un florilège, mesdames et messieurs. C'est florilège. Une explosion, ça explose en bouche. Une horreur. Non, une horreur. Une horreur. Bon, allez, hop, on va arrêter là maintenant. C'est bon, je crois que ça suffit. Je pense qu'il y a un moment, faut pouvoir. Je vais faire un tort dehors. Il faut pouvoir rendre l'antenne. Bon, tu sais quoi? La France exige de la vanne. Non, la France refuse de la vanne, justement, tiens. Allez, à demain, juste après Loving Fun sur Fun Radio. Et un petit message maintenant spécialement pour JB. Ouais. Allez, c'est pour toi, mon JB. Vous êtes un imbécile.